Un beau matin de décembre à Justicienne. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, il fait encore nuit. Ça se passe plusieurs semaines après les derniers événements. Donc pour rappel, il y avait eu une espèce de grande tempête qui s'était abattue sur la ville, et vous étiez resté coincé chez vous plusieurs jours. Vous sortiez de moins en moins, et vous deviez faire... en sorte de vous adapter à cet état de fait. Désormais, les choses sont différentes. Les gens ont repris leur vie à peu près normale et essayent de récupérer ce qu'ils peuvent au niveau de l'extérieur, notamment au niveau des récoltes qui ont pu en prendre un sacré coup. Les ferrailleurs, eux, commencent pour certains à repartir dès décembre, alors que normalement, ils attendent le début d'année, le printemps. Mais l'appât du gain et le fait de se dire qu'il y a une crise actuellement en cours à Justicienne, un manque de ressources, leur fait se dire que les chroniqueurs seraient peut-être prêts à payer plus que d'habitude pour obtenir des trucs qui pourraient les aider à faire de l'argent d'une manière ou d'une autre. Hein. Avec la technologie, il y a des tas de choses qui sont possibles. Et il y a une ambiance du coup un petit peu étrange qui s'est installée en ville. Ce matin-là, très proche des murs qui entourent la cité, plusieurs juges se retrouvent au niveau d'une espèce d'ancien, j'oublie qu'on appelle ça, mais un nid de rivière asséché depuis. Et arrivent jusqu'au niveau d'un pont. Un ancien pont qui désormais, du coup, ne passe plus qu'au-dessus de poussière et de terre retournée. Les juges sont obligés de s'éclairer avec des lanternes pour y voir quelque chose. Justement, il fait un peu nuit et comme je disais, il y a un peu de brouillard également. On voit pas grand-chose. Plusieurs juges qui s'y trouvent, des jeunes recrues, s'arment de pelles et se dirigent au niveau du pont. Et commencent à creuser. En parallèle, ils sont épiés un peu plus en haut par... d'autres juges plus haut gradés, donc surtout des juges des villes ou des avocats, surtout des juges des villes plutôt a priori, qui sont plus à même à aller à se rendre sur le terrain. Ils vont creuser comme ça une petite heure, un peu partout autour du pont, jusqu'à ce qu'à un moment l'un d'entre eux s'arrête, regarde précisément et voit quelque chose sortir du sol. À ce moment-là, il se relève et va voir, enfin, et appelle les juges qui se trouvent en contre-haut, qui eux étaient en train de fumer en supervisant l'opération. Les hauts gradés se mettent donc à descendre au niveau de la rivière asséchée et du trou de cette jeune recrue et observent ce qu'ils étaient venus chercher. Un cadavre. L'un des juges qui supervise cette opération a également une particularité, physique assez distincte, c'est qu'il possède un bras et une jambe complètement métalliques, puisqu'il s'agit de toi, Jacquard. Jacquard, t'en as désormais... t'en es désormais sûr, les informations que t'as pu tirer auprès de Alina, qui était la pie avec qui vous aviez fait affaire au niveau de l'épave, sont vraies. Elle a tantôt tenté de vous faire croire qu'elle ne savait finalement pas où se trouvait le corps du frère de Petros Arcas, mais il se trouve que Emma jouait un double bluff. À ce moment-là, le corps est déterré complètement et installé dans une espèce de charrette et tiré par des jeunes recrues jusqu'à l'intérieur de la ville. Dans une caserne, Le corps est déposé sur une espèce de grande table, aux premières lueurs du jour. Et c'est désormais au tour de Torik de rentrer en scène. Et l'hospitalier va pouvoir me faire un petit jet d'intellect plus médecine. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 4 succès, dont 2 déclencheurs. Très bien. Tu observes le corps, tu l'auscultes à droite à gauche. Tu vois qu'il n'en reste pas grand-chose. La chair a nettement eu le temps de se décomposer. Il reste quelques petits lambeaux accrochés, quelques parties au niveau des muscles notamment. Mais on a globalement affaire face à un squelette qui a déjà un bon petit temps. Il n'est pas là depuis 20 ans, et on sait que c'est assez récent quand même, hein, sans doute. Un an et demi, un truc comme ça, grand maximum. Tu saurais pas trop, peut-être entre 6 mois et un an. Par contre, néanmoins, il y a quelque chose dont tu es absolument sûr, c'est que son crâne a été explosé à plusieurs reprises par sans doute des choses comme des violents coups de marteau portés à l'arrière. En tout cas, chose est sûre, il a été assassiné. Il ne s'agit pas d'une mort naturelle ni quoi que ce soit. Et puis le fait qu'il ait été enterré en dehors de la ville confirme ces dires. Ah, c'est le corps de qui ça au fait? Je me rappelle plus. Du frère de Petrosarka. Qui était, enfin qui est toujours d'ailleurs le propriétaire de la maison de Bran, Sonia et de leurs enfants. Pour rappel, vous aviez eu affaire à eux, puisqu'ils souhaitaient les dégager de chez eux, et vous avez finalement appris que lui-même subissait un contre-chantage, justement, de la part de la Pie, qui, une fois, comment dire, après qu'elle ait perdu le contrôle, on va dire, sur le coup, puisqu'au début elle avait des informations à vendre, mais finalement, Mokosh a pu négocier exactement la même chose de la part de Axel Lacorneille, donc de l'épave. Et ben, Alina n'avait plus grand-chose d'intérêt pour vous, et donc Jacquard a décidé de mener en bonne et due forme son Alors, arrestation. j'ai une question. Ouais. Est-ce que les juges ont enfin, des modèles de marteaux bien spécifiques où chacun a son propre marteau et qui a... Alors, généralement, non, ils ont en effet à peu près le même modèle, puisqu'ils sont fabriqués, il me semble, dans les forges de justicienne. En tout cas, leur mousquet, c'est sûr, mais il me semble que les marteaux également. Là, pour le coup, le marteau qui a éclaté son crâne, c'est un petit marteau, c'est un marteau pour planter des coups. D'accord. Non, c'est ce que j'allais demander. Je voulais savoir Le si... coup de marteau d'un juge, ça explose un crâne. D'accord. C'est un truc vraiment, c'est plus une masse, en fait, qu'un marteau. D'accord. Mais eux appellent ça le marteau du jugement. Mais oui, non, non, Ok. leurs marteaux à eux sont énormes, hein. C'est des marteaux à deux mains, de la taille d'un espadon. D'accord. D'ailleurs, au moment où tu découvres ça, donc tu appelles quelques juges, dont Jacquard. D'ailleurs, lorsque Jacquard approche, on entend, en fait, on l'entend venir plus que avant de le voir, puisqu'on entend un coup sur deux, par un coup, le bruit de la machine qui se déploie et qui cogne contre le sol. Tu lui fais part de ce que tu viens d'apprendre, et ce dernier, j'imagine, esquisse un genre de sourire. Un petit rictus, puis se dirige en direction de la sortie. Tout se passe exactement comme il l'avait prévu. Alors qu'il s'apprête à sortir, il croise au niveau d'une espèce de geôle. Il faut savoir que les casernes à justiciennes, il n'y a pas de prison, ça n'existe pas, mais il y a juste des espèces de petites cellules où tu vas enfermer quelqu'un pour une nuit ou plus, ou pour l'interroger. Et justement, à l'intérieur se trouve la fameuse pie Alina, qu'il regarde avec un air revanchard, pour ne pas dire dégoûté. Jacquard lance donc la suite de l'opération. À ce moment-là, au niveau de la maison de Petrosarkas, quelqu'un toque violemment à sa porte. Ce dernier vient à peine de se lever, il n'est pas bien réveillé, mais a un temps à répondre et un temps à se lever, à s'habiller avant de se diriger au niveau de la porte. Il ouvre cette dernière et tombe face à la silhouette de Mokoche. Mokosh, elle a une place très précise à l'intérieur du plan fourmenté par Jacquard. En effet, l'idée est de condamner Petrosarkas à mort pour le meurtre qu'il a commis, et en plus de récupérer l'acte de propriété de la maison de Bran et Sonia pour leur permettre du coup de se dédouaner d'un quelconque loyer dans le futur. Le problème qui se pose par rapport à Jacquard, c'est que si jamais il fait exécuter le propriétaire, ce dernier n'aura plus rien à donner, on va dire, puisque ses actes de propriété seront réquisitionnés et sans doute revendus à quelqu'un d'autre. Le plan est donc simple. Je vais passer rapidement sur ce qui va se passer, simplement la porte se referme et Mokosh va négocier avec l'homme pour qu'il lui remette gentiment l'acte de propriété. Elle ressort de la pièce quelques heures plus tard, avec le bout de papier en main. Et cette fois-ci, qu'il attendait tranquillement sur le palier, en train de fumer, c'est Jacquard qui fait son tour à l'intérieur de la pièce. Il trouve l'homme au sol, encore en vie, mais... encore en vie. Et lui assène également quelques violents coups, dont un avec son bras complètement métallique. Autant dire qu'il l'a senti passer. Ensuite, il l'attrape par les cheveux et le traîne en plein milieu de la place publique. En effet, les preuves sont contre lui, il est désormais temps de procéder à l'exécution, et il n'aura donc pas le temps de dire à qui que ce soit qu'il a été extorqué, racketté violemment ce matin même de ses actes de propriété des maisons qu'il possédait injusticiables. Jacquard, tu prononces ton jugement en plein milieu de la foule qui... commence à se réveiller, les gens commencent à sortir pour aller au marché ou aller pas, vous sortir de la ville complètement. Et certains profitent donc pour s'arrêter et assister au spectacle qui est en train de se passer au niveau de la place. Plusieurs juges sont assemblés, dont le commissaire Prael. Et l'exécution de Sarkas servira d'exemple pour le reste des citoyens qui choisiraient d'éliminer leurs frères afin de récupérer... les maisons que ce dernier possédait en ville, ainsi que pour conquérir sa femme. En tout cas, c'était le plan de notre homme actuellement présent, selon les dires de l'Api. Jacquard, explique-moi avec quels moyens tu procèdes à l'exécution. Je sais qu'on avait parlé de pendaison, mais c'est vrai qu'il est traditionnellement plus général que les juges... placent simplement la tête de leur victime sur un billot et l'éclate avec un marteau. Eh ben oui, c'est de cette façon que je vais... que Jacquard va procéder. Il va, en plein milieu de la place, improviser un espèce de billot avec, un billot en acier. Et puis il va tout simplement, après lui avoir ressuscité quelques... mot de son codex va asséner un violent coup de masse assez rapide pour Jacquard va essayer de pas s'y reprendre pour exécuter donc le fratricide. Ok. En effet, tu prononces donc ton petit sermon, tu finis avec une petite phrase en latin, quelque chose de typique des juges, et tu lui éclates le crâne. Assez rapidement, tu te retrouves avec des morceaux de cerveau et de cervelle, enfin de cervelle et d'os de crâne à éparpiller un peu partout au milieu de la place. Certains ont détourné parmi le public présent le regard, d'autres non. En tout cas, tu remarques que la foule est globalement assez satisfaite de ce qui est en train de se passer. Les gens aiment se sentir en sécurité face au juge. Certains ont peut-être des choses à cacher, mais après tout... qui l'ont cherché, et en grande majorité, les gens se sentent bien et te félicitent pour tes actions. Il faut dire également que ton bras et ta jambe rajoutent un certain spectacle à la scène actuellement en cours. À ce moment-là, le commissaire Prye, elle, s'avance vers toi, l'air souriant, et dit « Bravo, je savais qu'on pouvait compter sur vous pour mener à bien cette enquête. Comme promis, voici votre argent. » À ce moment-là, il sort de sa poche quelques lettres de change et te les tend. Merci beaucoup. Je pense que je dois refuser. Je n'ai fait que mon devoir de juge et aucune prime n'a été promulguée de quelconque manière sur la tête de l'assassin de Monsieur Sarkas. Je ne peux pas accepter une telle récompense. C'est tout à votre honneur, mon ami. Dans ce cas-là, veuillez la donner à l'anabaptiste qui vous accompagnait. Très bien. J'ai ouï dire de la part du forgeron qu'il attendait depuis désormais quelques semaines qu'elle vienne récupérer l'armure qu'il avait mis de côté. Oui, c'est vrai. Ta mémoire est assez courte. Je pense qu'il faudrait lui rappeler. Je vais m'en occuper. À ce moment-là, avec le temps, il te fait un signe de tête. Puis s'en va en compagnie de quelques autres juges. Mon coach, toi, t'es pas bien loin. T'observais la scène depuis une petite ruelle à boîtier planqué. T'es pas du genre à te mettre sous les feux des projecteurs face à ce genre de situation. Et j'imagine que tu vas retrouver Jacquard juste après. Décides-tu de te rendre directement chez le forgeron ou pas? Pour rappel, il est pas très très loin actuellement là où vous vous trouvez. Je pense que oui. Le plus tôt sera le mieux. Pareil, je vais passer assez rapidement sur la scène qui va suivre. C'est pas ce qui nous intéresse le plus ce soir. Simplement, tu te rends jusqu'à chez lui. Tu rentres dans sa boutique. Tu vois qu'il, en effet, t'attendait et qu'il avait gardé ta tenue de côté. Par chance, étant donné que la ville était un peu, on va dire, en quarantaine, il n'y avait pas grand monde qui venait le voir au quotidien. Donc, il a pas reçu des tas de commandes ces derniers temps. Tu lui passes l'argent et en échange, il te remet l'armure que tu avais demandée. Je me demande si on n'avait pas parlé d'une arme également, mais ça remonte il y a trop longtemps et je n'avais pas noté plus. C'était simplement une armure, si je me souviens bien. Je crois que c'était F-Lux qui avait cherché à jeter un petit œil pour une arme. Plus jeune. Là-dessus, lorsque vous sortez, vous n'allez pas tarder à retrouver Torik, qui également avait suivi le reste du groupe suite à l'autopsie du corps. Pendant ce temps-là, Flux, toi, tu te trouvais encore à ton atelier. Et tu t'es chargé de donner une première mission à tes deux compagnons, Maria et Noah. Est-ce que tu as une idée du genre de première mission assez simple que tu pourrais leur confier? Pour rappel, le premier est chroniqueur et la deuxième, ferrailleuse. Je sais, mais... non, pas forcément. Ça peut être quelque chose de très bateau, hein. Oui, bah je pense que de toute façon, oui, ça va être quelque chose de bateau, mais... Je vois si j'avais pas des trucs sur le feu. Mais je crois pas. Si tu veux, je peux te laisser quelques instants pour y réfléchir. Oui. Si t'as pas spécialement d'idées, c'est pas très très grave. On n'avait pas prévu ça plus en amont que ça. Tu es en recherche d'un travail à effectuer, Flux. Oui, c'est l'idée. Est-ce que tu accepterais une petite commande de ma part? Ce serait plus un travail de ferrailleur de ferrailleur en soi, mais il me semble que tu as des talents techniques assez développés et je voudrais réaliser une plaque. Une petite plaque. J'ai pas encore réfléchi concrètement à ce qui serait exactement écrit dessus, mais comment dire, ce serait pour mettre sur la maison de l'ex Petro Sarkas et comment dire, peut-être signifier que cette maison, qu'il ne faut mieux pas chercher des noises aux personnes qui habitent dans cette maison, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je te dirai quand j'aurai le message exact, mais voilà, une petite, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est une très bonne première mission à confier à un ferrailleur, en effet. Ouais, clairement. Un peu plus tard dans la soirée, Baran et Sonia, vous aviez prévenu se rendre également à l'atelier. Pour rappel, l'atelier, c'est un petit peu une zone un peu en bordel, qui est constituée globalement de deux pièces seulement, donc vous êtes obligé de dormir soit sur des espèces de vieux coussins qui servent de canapé, ou des genres de hamacs que vous avez installés ici et là lorsque vous êtes tous à l'intérieur, ça dépend. Jacquard, lui, souvent, peut se rendre à la caserne, Torik peut rentrer à l'hôpital quelques jours, ça peut arriver. Vous êtes donc là, un peu les uns sur les autres, et puis eux, se rendre le soir même, vous rendre visite. À ce moment-là, vous leur annoncez la bonne nouvelle et Mokosh leur tend les fameux documents qu'elle a empruntés à leur ancien propriétaire. Ce qui fait qu'ils sont désormais eux-mêmes propriétaires de leur propre maison et qu'ils ne seront plus ennuyés à l'avenir. Surtout qu'une fois la perquisition faite chez le domicile de la victime, eh bien, le fait qu'il manque un document, bah, ça, personne ne le verra. D'ailleurs, en parlant de documents, il est de plus en plus commun désormais à Justicienne de posséder des papiers d'identité. Ça n'existait pas encore il y a quelques temps, mais les chroniqueurs sont en train d'installer ça. Des contrôles commencent à avoir lieu, et on peut par exemple vous faire faire des tests par les spitaliers et indiquer un taux, par exemple, de sporulation sur ce fameux document, afin de savoir qui est légitime ou pas à rentrer dans la ville. Surtout en cas de crise, lorsqu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde à l'intérieur. Dans ce cas-là, les habitants avec des hauts faits judiciaires, des casiers, en somme, ou avec justement des taux de sporulation, ou même les plus pauvres seront expulsés de la ville. Heureusement, d'après les chroniqueurs, ceci ne devrait pas arriver d'aussitôt. À ce moment-là également, encore une fois, je parle de manière très elliptique, Bran et Sonia vous invitent à aller dîner chez eux. Ils ont une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous vous y rendez, vous récupérez vos quelques affaires, les enfants, eux, restent sur place. Et vous allez jusqu'à leur domicile, qui est encore plus petit que le vôtre. Donc vous traversez quelques quartiers, vous croisez quelques groupes de ferrailleurs sur la route, ainsi que de loin quelques clans de GM Ethan alcoolisés qui doivent sortir d'un bar ou d'une taverne quelconque. Une fois sur place, vous découvrez sur une espèce de grande table un dîner tout préparé, une espèce de ragoût avec des gros morceaux de viande. Il vous invite à vous asseoir, les enfants vous retrouvent, leurs enfants eux du coup, vous saluent. Et c'est à ce moment-là que Bran vous dit « J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous depuis qu'on s'est rencontrés. Vous nous avez sauvés plus d'une fois, il faut le dire. Et voyez-vous, récemment, j'ai pu décrocher mon premier travail. Comme me l'avait conseillé Flux, je me suis rendu au niveau du quartier des chasseurs et on est parti depuis désormais une semaine. » Au moins la moitié de cette dernière, à l'intérieur des terres désolées, a essayé de trouver de quoi manger. Et puis là, il faut que je vous avoue que j'ai eu, comment dire, une chance, en tout cas un signe, c'est comme ça que je le vois, assez fort. À un moment, alors que je me déplaçais en dehors du sentier, je cherchais à trouver un endroit pour faire la petite commission, et je croise dans la poussière quelques empreintes. Qui semblait relativement récente, vous savez, ça soufflait pas mal, donc c'était étrange de voir des empreintes comme ça à travers le sable, encore palpables. Alors, je me mets à les suivre, et c'est là que je tombe sur trois Gendos, endormis en contrebas. À ce moment-là, j'avais eu la bonne idée de garder mon arc avec moi. Je me place en contre-haut, au niveau d'un rocher, je vois que le vent va dans mon sens. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais à contresens du vent. Vous pouvez donc pas me sentir. J'ai dégainé une première flèche. Je l'ai tirée en plein dans la tête du premier des Gendos. À ce moment-là, les deux autres bestioles se sont levées et ont commencé à se ruer dans ma direction. Je crois que c'était une mère et ses deux petits. C'est rare de les voir isolés de la meute comme ça. Le temps qu'ils arrivent à mes pieds, j'avais réussi à en éliminer un deuxième. Et pour le dernier, celui que vous avez juste ici actuellement en face de nous, Je m'en suis occupé avec un couteau, pardon. Vous savez, le Gendos, c'est une viande qui est relativement chère, relativement rare, alors je me suis dit que ça vous ferait plaisir de pouvoir partager avec moi ma première récolte, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? C'est très aimable de ta part. Oui, je dois dire que avec toute cette quarantaine, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de la viande. Eh bien, servez-vous. Vous voyez que de leur côté, ils s'assoient et ils commencent à manger. C'est impressionnant ton histoire, parce que personnellement, je n'ai pas ton talent de chasseur, mais J'aurais cru que justement ce petit groupe, ce serait. Comment dire. Ce qui aurait caché une meute derrière, quoi, complètement. Donc, j'aurais pris oui, les oui, gens. J'avoue que. J'avoue que c'était risqué, mais le terrain était dégagé, je voyais pas l'ombre d'une autre bestiole au loin, alors j'ai sauté sur l'occasion. Bien belle prise. Mais Dieu sait que le dernier m'a fait peur, hein. Je pensais pas qu'il arriverait à mes pieds aussi vite. Heureusement, un coup dans la carotide et puis c'était fini. Il s'est vidé de son sang. Hein. J'essaie de regarder si Flux essaie de manger. Ouais. Bah pour ma part, je fais bien griller la viande. Ok. En même temps, bon, c'est pas très safe, quoi. Et tu la savoures tandis que tu la manges. Juste après, tu vois qu'en effet, elle est délicieuse. Ah. Sinon, comment ça se passe pour toi en ce moment? Écoutez, les nouvelles sont plutôt bonnes, hein, malgré la situation assez compliquée qui a eu lieu ces derniers temps. J'avoue qu'on s'en sort relativement bien. Mm-hmm. Autant grâce à vous, merci encore. À ce moment-là, tu vois qu'il regarde les papiers récupérés par mon coche. Autant grâce à vous que grâce à cette chance, je dois avouer que du coup, les chasseurs sont prêts à me laisser prendre une part supplémentaire lors des prochaines chasses et de partir lors d'expéditions plus ambitieuses. C'était assez... assez... inattendu. C'est sûr. Par contre, je te conseille de faire un peu attention à... lorsque tu partiras sur des chasses un peu plus lointaines, avec les cafards qui rôdent un peu plus enfin de plus en plus près de chez nous. Oui, bien sûr, falloir... c'est sûr, ce ne sera pas le moment de tout perdre. À ce moment-là, ouais. Tu vois qu'il regarde ses enfants. Là-dessus, vous continuez de manger et la soirée passe tranquillement. Oui, ça fait longtemps que vous n'aviez pas eu un moment, on va dire, de convivialité, de détente aussi prenant que cette fois-ci. J'imagine que à peu près tout le monde parmi vous se sent actuellement relativement bien. Vous êtes tous ensemble, en compagnie d'amis, à vous. Vous mangez bien, vous êtes au chaud. Sauf si quelqu'un souhaite m'indiquer le contraire. Nous, ça va. Je suis là, je ne parle pas parce que voilà, mais je mange. Toi, tu vois, Mokosh, que la petite de la dernière fois s'est installée juste devant toi au niveau de la table et elle peut pas s'empêcher de te regarder au fur et à mesure qu'elle mange son ragoût. Je sais pas trop pourquoi. Tu fais des grimaces. Tu fais peur. C'est parce que la dernière fois qu'elle, parce que la dernière fois qu'elle m'a vu. Il y a eu un meurtre juste en face. Un peu plus tard, donc, vous les saluez, évidemment, vous n'allez pas rester dormir sur place, il n'y a carrément pas la place. D'ailleurs, il y a à peine la place pour eux aussi, puisqu'il y a, un peu à la manière de l'atelier du FU, seulement deux pièces. Une pour les parents, et les enfants, eux, sont stockés. Se reposent dans la pièce principale. Ils ont de quoi, mais bon, c'est déjà bien. Ensuite, vous repartez et vous retournez au niveau de l'atelier. Peut-être que Jacquard, tu te sépares pour te rendre au niveau des casernes, et toi, éventuellement, Toric, pour retourner au hospital, c'est à vous de me dire. Oh oui, moi, je retourne un petit peu au hospital. Ok. Moi, ok, donc toi, tu sais qu'il suffit de te rendre au niveau des... Ok, ouais, tu sais qu'il suffit de te rendre au niveau des écuries de la ville pour récupérer un cheval qui aurait été réquisitionné pour repartir en direction de l'hôpital. Au moment où vous vous apprêtez à vous séparer, alors peut-être sauf Jacquard, du coup, quoique, non, techniquement, c'est sur le chemin. Vous apercevez au loin, donc là, vous êtes à peu près devant l'atelier, vous n'êtes pas encore entré dans le bâtiment, plusieurs silhouettes avancées dans votre direction dans la rue. Vous y reconnaissez les silhouettes de juges. Et derrière eux se trouve le commissaire Prael. avec une espèce de démarche assez étrange, puisque celui-ci semble tenter de retenir l'un d'entre eux qui marche en tête de cortège, si je peux dire. Celui-ci est un juge assez grand, avec des épaules assez carrées, un grand chapeau très propre sur lui, et une espèce de regard dissimulé derrière ses lunettes, mais vraiment enfoncé au niveau de son visage. Elle lui colle carrément à la peau. Il avance d'un pas sûr, accompagné de ses juges, dans votre direction, tandis que le commissaire, elle, derrière, est à moitié en train de le supplier, lui dire « Mais nous avions un arrangement, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit !» À ce moment-là, le juge le chasse d'un violent coup de bras et... il le frappe pas, hein, il l'écarte. Et s'arrête à votre niveau. C'est des juges des villes ou c'est des avocats? Ce sont plus des juges des villes, ceux-là. Mais tu penses que celui qui se trouve en tête est sans doute un commissaire comme Brayel. Sinon, il se serait jamais permis de le dégager de la sorte. À ce moment-là, il se retourne vers toi, Mokosh. J'imagine que c'est vous, l'Anabaptiste, dont tout le monde parle. C'est sûrement moi. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Nous vous arrêtons pour le meurtre du... hospitalier Collins. Encore ? Vous allez être jugé dès demain matin et si tout se passe bien, exécuté à la tombée de la nuit. À ce moment-là, il te chope par le bras et d'autres juges commencent à te récupérer. À ce moment-là, lui, Pryel, retourne au niveau, à son niveau et lui fait « Nous avions un arrangement avec le protectorat, vous ne pouvez pas aller libre !» Que faire ? Ils s'en vont avec toi, Mokosh. Est-ce que quelqu'un agit d'une manière ou d'une autre ? Voilà, le problème, c'est que on n'a pas l'autorité sur les juges. Il faut essayer d'en référer à une haute autorité encore. Parce que là, on va se mettre en défaut si on commence à... Ok. Je me laisse faire, en tout cas. Ok, ouais, de toute façon, bordel. Vous voyez Mokosh partir, encore, récupéré par les juges, tandis que Brayel, lui, reste à votre niveau. Lorsque ces derniers partent, il donne une espèce de gros coup de poing dans le mur... de l'atelier. Il soupire et il baisse les yeux. Vous l'avez jamais vu dans un état comme ça. Et puis il se retourne vers vous et fait « Je suis désolé, je vous avais promis que si vous faisiez tout ce que je vous disais, les choses se passeraient bien, mais... » Je vais en référer... À mes supérieurs. Étant donné que Collins était officiellement un hospitalier, si je peux de mon côté faire en sorte que l'hôpital révoque de manière posthume son statut d'hospitalier pour trahison, la mort de Collins ne sera que sans valeur. Ça pourrait être intéressant en effet. Voyez-vous, là où le bas blesse, je l'ai appris tout à l'heure en me rendant à la caserne. Aedip m'attendait juste là. On avait conclu un accord avec le serveur, avec le protectorat, tout devait bien se passer, mais il semblerait que lui et sa clique aient décidé de monter un contre-dossier à l'encontre de Mokosh. Pour eux, l'explication que nous avons donnée ne tient pas debout. Et il souhaite la traduire en justice et en faire un symbole. Bien, c'est ce qu'on verra. Vous n'avez pas un bon avocat sous la main ? Si, si, bien sûr. Le problème, c'est qu'ils ont joué intelligemment. Ils ont demandé à ce que le procès se tienne lieu dès demain matin. J'aurai jamais le temps de briefer quelqu'un sur tous les éléments qu'il y aurait à prendre en compte pour qu'on puisse... Écoutez, défendre Mokosh suffisamment efficacement. Écoutez, je vais de ce pas hospital et je vais aller en référer à mes supérieurs et demander une réunion extraordinaire afin de régler cette histoire une fois pour toutes. Si les supérieurs du hôpital se mêlent de cette histoire, ça pourrait, je pense, faire pencher la balance dans le sens de Mokoche. Est-ce qu'il n'y a aucun vice de procédure, dans leur démarche, rien qui pourrait retarder le procès Non, au contraire, c'est nous qui avons des vices de procédure. Ils n'auraient pas pu faire ça, on a dû faire une erreur quelque part. Vous savez, cet Aedib, c'est un fou furieux, j'ai jamais vu un type aussi barré dans ses principes, si à cheval sur l'autorité et la supériorité des juges au sein du protectorat. Ce mec, il ferait exécuter sa mère s'il le pouvait. Écoutez, c'est bien qu'il l'a déjà fait d'ailleurs. Je vous laisse pour ma part et je m'en vais. Ok. Jacquard, tu le connais de nom, le juge Adib, c'est le genre de gars qu'on voit pas souvent, mais lorsqu'on le voit, il fait parler de lui. Il a toujours, en effet, été présent lors des affaires ou en montant des dossiers très forts. C'est d'ailleurs lui qui a notamment mené l'expédition qui a chassé autrefois l'ancienne nuée de l'épave. Personnellement, je vais suivre le pas de Torik et je vais aller voir au niveau du serveur si je peux pas faire quelque chose. Très bien. Dans ce cas-là, vous repartez chacun de votre côté. Je vais me permettre également d'avancer un petit peu les choses. Globalement, Torik, toi, tu te rends jusqu'au niveau du hôpital. T'es obligé de presser un peu le pas parce qu'il est assez tard, donc tu récupères un cheval réquisitionné. Mmh. Tu montes dessus et tu quittes la ville le plus vite possible. Jusqu'à te rendre jusqu'au bâtiment. Là-bas, tu convoqueras un peu en urgence des supérieurs qui t'apprendront que quant au sujet de Collins, ils n'ont pas encore tranché. L'enquête est encore en cours et il faut attendre que tous les éléments soient récupérés. Malgré tout, tu pèses encore relativement dans le milieu. Je vais regarder tes historiques. Ouais, ça va. T'as 2 en autorité et 2 en allié. T'arrives à les convaincre d'essayer de, clore, on va dire, ce débat dès demain matin, lors du procès. Donc ça veut dire juste avant que Mokoche soit jugé par des spécialistes et des membres de plusieurs cultes du protectorat. Ce qui est assez rare dans ce genre d'affaires, c'est vraiment lors des grosses affaires qu'on invoque ce genre de procès. Vous pourrez trancher si oui ou non Collins peut être, on va dire, retiré des membres du hôpital à titre posthume, comme tu l'indiquais. De ton côté, Flux, tu tranches jusqu'au niveau du serveur. Tu montes donc à l'intérieur du gigantesque bâtiment et tu récupères l'espèce de rail qui t'emmène jusqu'à cette zone réservée aux chroniqueurs, où tu y retrouves certains de leurs hauts membres, notamment l'agent Daylight et l'agent Hybride. T'es obligé d'attendre longtemps, les deux arrivent en retard, ils étaient sans doute occupés à faire d'autres trucs. Et du coup, assez tard, tu gères avec eux et j'aimerais savoir à peu près le genre de questions que tu peux leur poser, sachant que tu peux pas en poser beaucoup parce que bah, il se fait justement assez tard. Moi, je veux juste savoir s'il y a moyen qu'on intervienne, hein, puisque j'ai bien entendu Brayette qui disait que le serveur faisait partie du... Oui, vous aviez négocié avec le serveur, d'accord. Pour rappel, vous avez même fait assassiner un type au nom du serveur et ça servait en partie à sauver Mokoche. Oui, oui, tout à fait. Mais justement, moi, du coup, je veux réinsister là-dessus et je veux savoir s'il y a moyen qu'ils interviennent, sachant que j'insiste énormément sur le fait que j'ai été... je sais pas utiliser le terme. J'ai été une personne qui leur a ramené énormément de... Non, mais pas, c'est pas tant le côté exemplaire, c'est que je leur ai rapporté énormément d'informations par rapport à des sujets qui les intéressaient. Et en ce sens, tu vois, genre, je suis quand même... J'ai su me prouver utile et avec de bonnes informations, donc j'attends d'eux. S'ils doivent me rendre l'appareil, c'est maintenant. À ce moment-là, tu vois Hybride et Dilate te regarder. Un instant, ils demandent de sortir de la pièce et tu les entends au loin, leur voix grésillante, se concerter. Lorsqu'ils te font entrer à nouveau, ils t'indiquent les éléments suivants. Ne vous inquiétez pas, chroniqueur, nous allons voir ce que nous pouvons faire, ce que nous pourrons faire pour votre ami. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que la justice est majoritairement gérée par les juges au sein de cette ville, et notre pouvoir restera limité sur l'affaire qui va avoir lieu. Nous allons essayer de vous aider comme nous le pouvons. Essayez de vous entourer de personnes qui connaissent bien le cas Mokosh et qui pourront rebondir sur toutes les attaques que vous lanceront à Edib et ses congénères. Mais surtout, n'oubliez pas, gardez confiance en nous, gardez confiance envers le serveur et les chroniqueurs. À ce moment-là, ils se lèvent et s'en vont chacun de leur côté en te laissant. Ok. Je n'ai pas pu le préciser, mais de mon côté, moi, j'aimerais bien rejoindre la caserne et essayer à un moment ou un autre, avant le procès, de pouvoir parler à Mokosh pour pour lui parler de deux, trois, enfin si c'est possible, hein, en espérant qu'il ne soit pas mis sous haute garde, ce n'est pas possible, mais concrètement pour lui dire comment on se comporte lors d'un procès, les choses à savoir, les choses à voir, enfin voilà, genre de trucs. Lorsque tu te rends pour voir Mokosh, tu vois qu'elle est gardée par plusieurs juges, des juges des villes donc, du même rang que toi. Très baraqué d'air, tu reconnais les gars qui t'avaient emmerdé la dernière fois, qui, alors que t'étais encore en béquille, s'est amusé à te bousculer au niveau de la sortie, plus à t'insulter lorsque tu te trouvais dans la caserne en sortant du rendez-vous avec Royal. Et tu vois qu'ils t'interdisent l'entrée. Désolé, Eddie a été catégorique, il n'est pas disponible ce soir et interdiction d'aller voir l'accusé sans son autorisation. Si vous voulez, vous avez qu'à vous rendre dès demain matin. Il devrait sûrement être là. Je dois l'interroger dans le cadre de l'affaire du meurtre du frère de Petro Sarkas. Il semble qu'elle serait en possession d'éléments déterminants qui pourraient peut-être invalider un jugement précédent qui pourrait se dire. C'est une urgence, je dois absolument la voir. Fais-moi un jet de charisme. Ah merde, pardon. De charisme négociation. Non, charisme leadership, je pense, avec ton bonus d'autorité, mais il me semble, je sais pas si t'as le même bug que moi, lorsque je clique sur ta feuille, j'ai plus ta fiche. Alors, moi je feuille. Alors, charisme, tu as dit leadership, négociation, expression, moi je sais pas. Voilà. C'est charisme leadership, je pense. Okay. Et tu rajoutes autant de dés que ton historique d'autorité. T'as le droit à des bonus. Historique. C'est où déjà ça, les historiques C'est plus en bas. En bas à gauche. Oui, ok, d'accord. Donc, hop, donc ça fait en tout 6 dés. Okay. Hop. Deux réussites et... comment ça s'appelle les têtes de mort les échecs critiques globalement, t'en as quoi? Trois échecs critiques. Ah. À ce moment-là, tu vois l'un d'entre eux qui dit « Dégage immédiatement ou tu vas te prendre mon poing dans la gueule, demi-homme. » Et il crache par terre à tes pieds. Combien déjà? Ils sont deux. Ah, ils sont après, deux. Tu sais que si... Oui, mais tu sais que si tu voulais t'en prendre à eux, ce serait sans doute pas positif pour Mokosh. Bon, alors je prends mon mal en pied et. Ok. Et je vais dégager après leur avoir jeté un regard très, très, très, très long. Très bien. Je vais crier. Ah oui. Ne réponds plus à leurs questions. La nuit passe. Sans doute que vous dormez chacun de votre côté relativement mal. La situation est assez préoccupante, vous pensiez être tiré d'affaire suite à ces affaires, mais c'est vrai que vous avez quand même fait assassiner un important hospitalier du protectorat, et c'est pas quelque chose qui allait pouvoir dont on pouvait se débarrasser aussi simplement, visiblement. Le lendemain matin, vous vous retrouvez au niveau du hall des juges. C'est un grand bâtiment, précédé de grandes statues qui présentent à la fois le juge suprême Archaud, même si cette dernière a été détruite par des Jemettans révolutionnaires il y a de cela quelques années. Et tandis que les autres, des statues donc géantes qui se trouvent à l'entrée du hall des juges, du jugement, pardon, elles représentent les deux, on va dire, grands credos des juges, soit la voix des avocats et celle des juges des villes. Ceux qui connaissent la loi et ceux qui l'appliquent, gros, globalement. Et pour le coup, non, la prononciation, c'est bien Archaud, il me semble. En tout cas, ça s'écrit A-R-C-H-O et un T, il me semble, à la fin. Ok. Là-bas, vous y retrouvez Prayel. Toi, Mokosh, tu as été emmené tôt dans la matinée par les juges qui t'avaient récupéré hier. Tu croises un moment, tu fais une espèce de petite tête-à-tête avec Aedib, qui semble s'amuser en te voyant, comme s'il te considérait comme une espèce de proie, un bout de viande qui donnerait à manger au dieu de la justice, en espérant ainsi recevoir les bonnes faveurs du protectorat et marquer un exemple pour toute la population. Là-bas, pour elle, Jacquard, tu t'en rends compte, est assez mal. Il retourne te voir et te explique un petit peu ce dont il t'avait parlé hier, et te fait... J'ai un souci. Étant donné que la voie dont la rapidité avec laquelle le dossier est traité est relativement expéditive, j'ai bien peur que nous ne puissions prévoir les angles sur lesquels Aedib va nous attaquer. C'est pourquoi j'aimerais te proposer quelque chose. À toi de me dire. Soit j'engage un avocat, un spécialiste de la défense qui saura peut-être au mieux argumenter pour Mokosh. Soit je décide de nous porter, toi et moi, comme défenseurs de cette dernière. Moi, en tant que commissaire, c'est obligatoire, et donc toi, en tant que soutien. Nous connaissons tous les deux au mieux ce qui s'est passé, peut-être que ce sera plus rapide et plus simple de rebondir sur les accusations qui nous seront portées. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors... Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas... plus trop les éléments du dossier en tête. Absolument aucune préparation n'est possible au préalable. On peut pas faire... Tu voudrais qu'on se rebrief? Si, ça c'est par contre... On peut prendre un petit moment pour se remémorer tout ce qui s'est passé, si tu le souhaites. On peut peut-être même le demander de le faire en compagnie de Mokosh. Oui, ce serait très bien. Préférable, je pense, carrément. À ce moment-là, Flux et Tori, vous êtes également dans la discussion. Et un autre élément auquel il faudrait qu'on pense, c'est l'appel de témoins. Si vous avez des idées... On a toute une famille qui peut porter Mokosh dans son cœur. Hein. Mais par contre, qui n'était pas là au moment des faits, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment des faits... Personne n'était là au moment des faits. Non, c'est pas négligé... Parce que, connaissant Aedib, il va pas simplement vous attaquer sur le meurtre du Spitalier. Croyez-moi, il est extrêmement fourbe, et s'il veut trouver des failles auxquelles nous ne pensons pas, il en trouvera. Le moindre petit détail que vous auriez pu laisser transparaître, il va s'en occuper, le retourner contre vous, le déformer, le raconter d'une manière à faire penser que... et retourner la foule et les personnes qui vont juger contre vous. Pour vous donner l'information... On va d'abord devoir s'exprimer au sein d'une assemblée. L'accusation va devoir nous porter leurs arguments, nous allons pouvoir y répondre. Et une fois que ce petit manège sera terminé, il va y avoir des délibérations auxquelles j'assisterai moi, en tant que partie de la défense. Aedib participera également. L'arbitre, qui est le juge chargé de présider le procès, sera là également. Et plus un membre de chaque autre culte impliqué dans l'affaire. Impliqué dans l'affaire, j'entends donc le protectorat et potentiellement lié au culte de la personne présente. Donc en l'occurrence, il y aura 3 juges, un chroniqueur, un spitalier et un anabaptiste. ils sont tirés au sort parmi une liste de personnes que l'on pense valeureuses. Par contre, vu que tu nous dis que il va essayer d'attaquer Mokosh sur plein d'angles différents afin de montrer... Je suppose, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il a prévu de faire, mais sachez-le, il est très créatif. Oui, non, mais je suppose qu'il va vouloir dépeindre un visage de tueuse par rapport à Mokosh, qui quelque part, on sait c'est un peu vrai. Elle est un peu sanglante. Mais je pense qu'il serait quand même bien de mettre en valeur tout ce qu'elle a pu apporter au protectorat le fait que sur ces enfin on parle en année, enfin ça se passe comment, ça fait combien de temps qu'on a commencé? Il me semble que dans notre histoire de Dead Genesis ça va faire 3 ans. Je crois, comme en vrai d'ailleurs. Donc en l'espace de 3 ans, ce qu'elle a accompli avec nous est quand même rare, dans le sens où on a démantelé une menace potentielle d'un homo de Genesis dans un village. Hein, du coup, l'hôpital a pu agir. De plus, un ferromancien, c'est ça? C'était un ferromancien qui a été tué. Le ferromancien, le biokinésiste. Oui, ce sont des points très importants. Et ça, en trois ans seulement, je pense que. Vous me faites penser à quelque chose aussi. Laissez-moi 5 minutes. À ce moment-là, tu vois qu'il s'écarte, se dirige au niveau de Malware, pour rappel, son chroniqueur personnel. Qui l'attend dès pas très loin de là, et semble chuchoter presque à son oreille quelque chose. Malware aussitôt se dirige vers la sortie du hall. D'ailleurs, le hall, je ne l'ai pas décrit plus que ça, très rapidement, il faut vraiment imaginer un bâtiment assez grand. C'est la base des juges de justiciennes. Et donc ça va être une espèce de grand bâtiment avec plusieurs espaces... L'un d'entre eux est par exemple destiné au juge suprême Archo, qui est sans doute la personne la plus importante de tout le protectorat, puisque c'est sa tête pensante principale. On pourrait même dire que c'est presque le dirigeant, le chef de justicienne. Les chroniqueurs, eux, n'ont pas de tête pensante à proprement parler. Ils sont plusieurs, ils sont souvent dissimulés, c'est pas des personnes publiques. Les anabaptistes, ils ont, eux, des gens disséminés. Et pour ce qui est des hospitaliers, il y a soit Clanzer qui est le chef des préservistes, mais qui est du coup lui est plus représentant du corps armé des hospitaliers, et au niveau du corps des médecins, il n'y a pas pareil de personnes qui représentent l'intégralité de son culte. Donc le juge suprême Archo, vous vous doutez que s'il habite ici, c'est un endroit qui est surveillé. Vous avez des juges qui marchent partout dans tous les sens, des avocats également qui traînent énormément. Les commissaires viennent ici se regrouper, comme vous. D'ailleurs, au fur et à mesure que vous parlez, là, après, elle vous conduit dans une espèce de petit espace où vous retrouvez Mokosh. Évidemment, enchaîné, vous êtes gardé par des juges à droite à gauche. On n'a pas spécialement méfiance de vous, mais c'est le protocole. Et on vous laisse ainsi une heure tous ensemble en attendant que la séance se prépare et que les différentes personnes qui vont devoir y assister soient tirées au sort et réunies sur place. Je pense que par rapport à ce que tu as dit, Toric, on pourrait, je ne sais pas si on pourrait aussi évoquer nos mésaventures récentes avec le cafard. Je pense que celui même si, comment dire, nous avons dû, nous ne savons pas quelle est l'étendue du pouvoir du clan, mais je pense que au sein même du palais de Justicienne, nous pouvons évoquer cette histoire et. Au vu du contexte en ce moment, ça ne pourrait qu'appuyer donc le fait que nous sommes, et particulièrement Mokosh, des personnes au service de la communauté de justiciennes et que nous faisons tout dans notre pouvoir pour la supporter. En ce qui est de l'affaire en elle-même, récapitulons les faits qui nous sont reprochés. enfin, qui sont reprochés à la prévenue depuis le début, sur les angles, si vous voulez bien. Sur les attaques, exactement, nous ne saurons pas quels seront les angles utilisés. Maintenant, on sait que ça risque sans doute de concerner, évidemment, la mort du hospitalier Collins. Comme il a d'ailleurs été annoncé lors de l'arrestation. Pour ma part, je tiens à signaler que j'ai pu rencontrer mes supérieurs hier. Nous avons discuté assez longtemps de ce qui était possible de faire. Et j'ai réussi à faire en sorte que soit statué le sort de Collins ce matin même. Donc nous apprendrons dans quelques instants, dans quelques heures peut-être, si l'hôpital supprime le statut d'hospitalier à Collins, ce qui, au moment du procès, ce ne sera plus le meurtre d'hospitalier Collins, mais d'un simple traître Collins. Ce qui peut changer quand même pas mal de choses, je pense. Bien sûr. Vous m'avez également donc de parler de demander à témoigner en faveur de Mokosh le groupe de clanistes avec qui vous avez eu affaire, c'est bien ça? Est-ce que quelqu'un d'autre a des idées de ce que nous pourrions prévoir pour la défense? J'essaie de penser un peu à tout ça. N'hésitez pas, surtout toute aide est la bienvenue et toute information peut être utile. Il y a une relation qui peut être intéressante, je ne la connais pas particulièrement, mais j'ai été témoin de son existence, avec une pie, sachant que c'est une pie de... J'ai perdu le nom, de... l'épave, hein. Donc l'épave, normalement, qui est la nuée actuellement en accord avec les juges, etc. Et donc oui, il y aurait une pie, tout simplement la pie qui dirige la nuée, si j'ai bien compris. Alors je les ai vus que converser, mais ils semblaient avoir quand même des bonnes relations. Donc je pense que si... pas des bonnes relations pour Mokosh. Donc s'il y aurait quelque chose de peut-être en tirer d'elle pour qu'elle puisse... Et puis en fait, c'est surtout la longévité, c'est-à-dire que par exemple... La famille claniste connaît Mokosh que depuis très peu de temps, donc on peut rapidement, je pense, les faire passer pour des gens qui ne connaissent pas sa véritable part. Alors que là, la relation semblait être de plus longue durée. Et donc, si on peut jouer sur quelqu'un qui connaît Mokosh en profondeur, je ne connais pas réellement la relation avec cette pie, mais. C'est bien plus stable, en effet. Je me permets juste de te corriger hors RP. Sur un petit détail, c'est pas bien grave, c'est que du coup la personne qui gère la nuée, c'est pas une pie, mais du coup une corneille. Par définition, du coup, ça devient une corneille. J'ai oublié le nom du rang, merci. T'en fais pas. Là-dessus, vous préparez votre défense, est-ce que quelqu'un d'autre a des choses à ajouter, ou est-ce que vous êtes bon? Écoute, pour ma part, je pense que... Ça va. Bon, c'est vrai qu'après, comme il a été fait mention, c'est vrai que Collins était, si on met de côté cette trahison, c'était aussi quelqu'un qui ne respectait pas les codes du hôpital, dans le sens où c'était lui qui avait eu cette relation... qu'il n'aurait pas dû avoir avec Abby. Donc en soi, c'est encore préjudiciable, mais j'ai pas trop envie de parler de ça devant les juges. Enfin, devant, oui. ça pourrait être, comment dire, un élément assez important pour recouper donc avec cette accusation si... l'information. Seulement, il y avait une preuve écrite, quelque part, que Mokosh pourrait avoir. Ah là là. Une quelconque, je sais pas, trace d'un savoir que cette relation a vraiment existé était problématique. Non. Mais ça serait fou, ça serait fou. Après, ça m'embêterait quand même de par l'affection que j'ai pour Abby de me servir de ça au moment du procès. Mmh. Mais si vraiment à un moment donné on a besoin de l'utiliser parce que c'est pour Mokosh, bon bah peut-être que ce sera mis sur le devant. Mais bon, ce sera au dernier moment en tout cas. Très bien, dans ce cas, dans les éléments défense que j'indique. Le fait que Mokosh ait participé à l'élimination de plusieurs féromanciens et ait agi notamment lors de la crise de Louis XIV. Oui. Mm. Le statut du fameux Collins qui va être remis en débat dès le début. Mm-hmm. L'intervention de vos amis Bran et Sonia. Moi-même, la personne que j'ai envoyée chercher par le biais de Malware, ainsi que éventuellement un témoignage de Axel Lacorneille. Si je peux me permettre. De l'épave. Oui. Soyez prudent lorsque vous évoquez Lucas Torrey, parce que de source sûre, je sais que certaines personnes chercheraient à lui faire porter le chapeau ce qui s'est passé là-bas. Soyez juste très prudent dans votre façon de l'amener. Si vous sentez qu'on peut le retourner vers vous, arrêtez. Parce que ça pourrait très vite se retourner contre elle. Nous nous concentrons dans ce cas-là sur le féromancien. L'idée étant de, j'imagine, faire passer Mokosh pour une héroïne au service du peuple plutôt qu'une meurtrière sanguinaire. C'est ça. Très bien. Là-dessus, vous finissez de discuter, de mettre au point un petit peu votre stratégie de défense, sans trop savoir exactement où est-ce que vous allez être attaqué. Évidemment, inutile de préciser que dans le monde de Genesis, les procès ne sont pas aussi administrativement régulés que chez nous actuellement. Étant donné que les juges sont de base des gens qui ont le droit d'enquêter, de juger et d'exécuter à eux seuls, sans avoir d'autres avis extérieurs, uniquement se basant sur ce qu'ils appellent le codex, donc leur bible de loi, mais qui est plus quelque chose à interprétation personnelle que des vrais textes de loi clairs, concis. Voilà. C'est une justice qui est très, on va dire, malléable. Vous finissez donc par vous mettre d'accord et finissez par être convoqué à l'intérieur du tribunal. Là-bas, vous vous trouvez dans une espèce de grand amphithéâtre où sont installés des gens qui viennent y assister, surtout des membres assez importants de culte. Le public n'est pas spécialement admis. Vous avez également l'arbitre qui se place en plein milieu, donc qui est le juge chargé de diriger la séance. Ainsi que de l'autre côté, le fameux Édip, ainsi que l'un des deux autres juges. Vous, de votre côté, vous savez qu'on a envoyé des gens récupérer les témoins que vous souhaitiez avoir sur place. Et la séance peut commencer. L'arbitre sort quelques phrases symboliques en latin. Les gens s'installent. Mokosh est assise au niveau de Pryel et de Jakar. Il récupère quelques textes de loi. Chacun pose son codex devant lui. Jure sur ce dernier qu'il n'expliquera que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Mokosh est également amené à jurer sur sa religion, sur son culte, qu'elle sera sincère, et le débat peut commencer. À ce moment-là, Édip se place en plein milieu de la scène. Et vous le voyez comme un acteur de théâtre qui récupérait tous les honneurs et toute l'attention du public. Il se met jusqu'au centre et commence à parler haut, fort et distinctement. La femme que vous voyez assise juste là, la dénommée Mokosh, censée avoir éliminé, d'après la version officielle, le commissaire Collins au cours d'une procédure officielle, un mâle insufflé par le protectorat et le serveur lié à une enquête, si j'en crois le dossier qui a été récupéré et les dépositions de Pryel et de vous autres, semble laisser toutefois quelques vice de procédure que j'aimerais évoquer. On m'a fait avancer de la part d'hôpital qu'il fallait remettre en question la clarté et la légitimité de Collins à être définie en tant que hospitalier que l'on pourrait défendre au cours d'une enquête à titre posthume comme actuellement. Mais voyez-vous, je pense que la question ne se pose même pas. En effet, si l'on en suit la logique, nous pouvons tout de suite constater que certains des éléments que vous avez invoqués ne collent pas entre eux. Monsieur Torik, j'aimerais avoir quelques questions à vous poser. À ce moment-là, toi, Torik, tu étais assis de ton côté, et tu vois toute la salle se retourner vers toi. C'est même pas finalement Mokosh qu'on interroge. Moi, je me lève. Dites-moi, comment avez-vous su que votre cher Collins, votre ancien mentor, était impliqué dans une affaire? Eh bien, tout simplement, nous avions déjà des suspicions par rapport à son attitude à l'hôpital. Donc, nous savions déjà qu'il avait un passif, mais nous en parlerons peut-être plus tard en fonction de ce qui sera dit dans cette cour. Non, j'aimerais que vous me disiez exactement comment est-ce que vous vous êtes dit, comment est-ce que vous avez déduit qu'il était impliqué dans une affaire louche actuellement nommée comme du trafic d'armes, de la contrebande avec l'ennemi. Eh bien, tout d'abord, il a demandé expressément à rencontrer Mokosh pour discuter d'une affaire. Et il a été assez rude envers elle. Alors, on sait depuis le début qu'il cache des choses et qu'il ne porte pas Mokosh dans son cœur. De plus, j'ai pu le rencontrer hospital et nous avons découvert des documents suspects qui limitent presque des documents codés pour qui n'avaient rien à faire hospital et qui mentionnaient un lieu de rendez-vous et une personne. Très bien, vous n'aviez donc avant cela aucun élément qui pourrait vous laisser supposer que l'homme en question était impliqué dans l'affaire que vous invoquez. Vous n'en aviez au fait aucune idée avant de récupérer les documents dont vous me parlez actuellement. Alors, il est vrai que je n'ai pas pu voir Collins avant ce moment-là, puisque avant ça, nous étions sur des missions que le juge Prael nous avait expressément demandé de faire. D'ailleurs, ces missions ont permis de sauver la vie de moult personnes qui peut-être ne seraient pas là aujourd'hui. J'en ai la larme à l'œil. Voyez-vous, le problème que cela pose, c'est que les documents que vous avez récupérés étaient destinés à Collins. Vous les avez donc récupérés, si j'ai bien compris, en son nom après sa mort. C'est bien ça? Écoutez. En tout cas, c'est la déposition que nous a faite Shelley au hôpital lorsque nous sommes allés l'interroger la semaine dernière. Je n'avais pas envie d'en arriver là. Vous savez que une de mes amies est morte il y a quelque temps de cela. Et pour peut-être le bien de cette cour, je n'avais pas envie d'évoquer cela. Mais il s'avère que Abby, mon ami, était au courant de certaines choses en tant que Pi. Vous savez qu'ils ont des réseaux assez bien informés sur les gens et elle était au courant de divers trafics et diverses mauvaises choses qui courait autour de Collins. Et d'ailleurs, on se demande même si sa mort n'est peut-être pas due à cette même personne. On n'a jamais su qui vraiment a été le meurtrier au sein même de justicienne de notre cher ami. Et nous avons des preuves, il me semble, que détient Mokosh sur qui pourrait prouver. Eh bien, vous n'aurez qu'à intenter un nouveau procès une fois que celui-ci sera terminé. Malheureusement, le souci qui se pose avec cet élément, et j'en appelle à vous les juges présents et à vous surtout, monsieur l'arbitre, d'en conclure ce que vous voulez. Je pense personnellement que Mokoche ici présente a éliminé le docteur Collins pour des raisons tout autres que celles invoquées, qu'elle n'avait absolument aucune idée d'une quelconque enquête en cours sur lui, et que l'enquête a été rajoutée de toutes pièces après son meurtre en utilisant les lettres récupérées par Torik quelques jours plus tard. Mais ça, ce n'est que... c'est votre avis. Ce n'est pas... vous n'avez pas de preuves non plus. C'est ma parole de Mokoche contre la mienne, si jamais elle confirme les dires de son témoin. À ce moment-là, il se retourne vers toi, Mokoche, ainsi que toute l'assemblée. T'aimes beaucoup écouter ta propre voix, non? J'en déduis qu'elle n'a plus aucun argument. Si tu veux des preuves, alors je demande à ce qu'on aille chercher dans mes effets personnels la lettre qu'a laissé Abby de manière officielle. De manière officielle. Et que quelqu'un d'autre la lise, parce que j'en ai assez de l'écouter. Très bien, nous allons pouvoir suspendre l'audience pour le moment dans l'espoir de retrouver cette lettre. Un peu plus tard, vous remettez la main sur la fameuse lettre. Tu confirmeras, mais il me semble que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Très bien. Une double lettre. Est-ce que tu veux que je la lise ? J'aimerais savoir qui souhaiterait la lire devant l'Assemblée. Ben moi, ça me dérange pas moi, de la lire, parce qu'en même temps, c'est Abby, voilà. Torik, on te fait donc descendre jusqu'au niveau de la salle, enfin scène principale, si tu peux appeler ça ainsi. À nouveau, l'arbitre énonce quelques termes en latin. Les personnes qui ont été... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Je dis juste de faire gaffe à ce qu'il dit, quoi. Les personnes qui ont été invitées à venir s'asseoir, donc pour rappel, il y a un représentant de chaque culte, plus les deux personnes présentes actuellement. Je te laisse lire la lettre, Torik. Donc il faut imaginer devant toi l'arbitre, également Eldib, son avocat personnel, plus tous les autres membres des cultes, ainsi que quelques autres personnes qui sont là simplement pour assister à l'audience. Ok. Mesdames et messieurs, donc comme nous vous l'avions annoncé un peu plus avant, voici la lettre qui a été adressée à Mokoche, par Abby, cœur d'obsidienne. Et je vais vous la lire. Par où commencer, Mokoche? Coupe seulement en deux et donne sa partie à Torik. Oui, Mokoche, ce mot que je t'adresse n'est pas une tentative de réconciliation avant un adieu. Une tentative de faire oublier ses erreurs. Non, ces mots que tu es en train de lire est tout simplement un message de paix après cet adieu. Ne sois pas triste de notre séparation. Sois folle de rage. Venge-toi sur Sac Pecno qui te fera chier, qui me rendra heureuse. Moi, bon, pendant que je lis ça, j'étais pas au courant de tout ce qui était dedans, donc c'est un peu dur. Mokoche. J'ai caché 100 lettres de change. Des doses de brûlure et le carnet des vieux fous cannibales sous un pieu de l'épave. Je suis obligé de tout lire parce que ils vont vouloir prendre la lettre, donc j'ai pas le choix. Celui d'Axel. Elle n'est pas au courant. Si tu veux, tu peux les récupérer. Torik, je m'excuse de t'avoir mené aussi loin pour que ça se finisse comme ça. Peu importe comment ça s'est fini en fait, tu méritais mieux. Ta naïveté et ta fidélité aux hospitaliers est une bonne chose. Surtout, maintenant que tu ne peux plus me reprocher de vivre de la seule des bonnes façons pour profiter de la vie. Rabat-joie. Mais bref, ça te mènera loin, j'espère. Enfin, je peux pas vraiment savoir, mais oui. Et là, je finis un moment un peu délicat. Ceci est un post-scriptum. La bite de ton chef ne fait que 5 cm. Il en va de soi que elle mentionne Collins. Si jamais t'as besoin de l'info un jour. Et voilà. À ce moment-là, vous avez un grand blanc qui s'est installé dans l'assemblée. La lettre parle de vengeance, de brûlure. Elle insulte actuellement Collins, qui depuis, pour rappel, s'est quand même fait assassiner. Et vous voyez Edip qui secoue la tête et qui dit « Je n'ai plus aucun argument à faire face à l'attaque pour l'instant, je laisse la parole à la défense. » En parallèle, le statut de Collins s'est rapidement établi. Et je vais quand même te demander, Toric, un petit jet de charisme expression, s'il te plaît, avec une difficulté de 4. Bon, ça tombe bien, j'ai 4. Alors, attention. Une réussite. Tu vois que l'arbitre conclut que Collins est toujours considéré comme hospitalier de haut rang, même après sa mort, même après l'appel de trahison qui a été révélé. Étant donné qu'on ne peut pas être sûr et certain que Mokosh était au courant que c'était un traître avant de l'avoir éliminé, il s'agit bel et bien d'un meurtre. La parole est à la défense. À ce moment-là, Jacquard et elle, c'est à vous de parler. Tu sais, de ton côté, Jacquard, on t'annonce que Axel Lacorneille et Bran et Sonia sont de leur côté présents à l'arrière et vous pouvez les faire venir si jamais vous le souhaitez. Moi je vais rester debout parce que je suis là. J'ai écouté. Aujourd'hui, nous faisons le... Enfin, vous faites le procès de Mokosh. Alors, certes, c'est une amie de longue date. Nous avons partagé énormément de choses ensemble, mais je vais essayer de mettre cela de côté. En tant que hospitalier... médecin de terrain, je pense être dans mon culte d'hôpital un bon hospitalier. Là, je me tourne vers la personne qui a été choisie pour présenter l'hôpital pour ce procès. Je vois qui te regarde avec attention. J'ai toujours... comme Abby, dans cette lettre, peut être certes maladroite, mais elle a quand même mentionné que j'étais un bon hospitalier. Et je pense que pour des apocalyptiques, dire qu'un hospitalier qui est un bon hospitalier, c'est quand même une preuve que je fais très bien mon travail. J'ai toujours suivi... les choses pour le bien de justicienne et du protectorat. De ce fait, je tenais quand même à mettre en avant que aujourd'hui on veut faire un portrait noir et meurtrier à Mokosh mais que pour ma part, je pense que Mokosh a sauvé nombre de personnes. Des personnes qui, peut-être même aujourd'hui, en ces lieux, lui doivent la vie. Certes, elle est peut-être violente, parfois, mais elle a donné de tout son esprit, de tout son être, pour défendre Justicienne et le Protectorat, jusqu'à même mettre sa vie en jeu. Je me rappelle aussi que notre première mission dans ce petit village de... Alors, c'était où, je ne me rappelle plus. Mon Luther. Où, grâce à elle et à nous autres, Abby et moi, nous avons empêché peut-être la venue d'un homme de Genesis qui aurait pu s'en prendre à de nombreuses personnes. Je fais aussi mention de ce féromancien qui sévissait et qui, je pense, aurait pu venir même jusqu'à Justicienne pour faire du mal à nos concitoyens. Et plus récemment, encore une fois, et ça au péril de notre vie, ce psychokinésiste qui... Biokinésiste. Non, t'as raison, psychokinésiste. Le psychokinésiste qui aurait pu dévaster une région entière et grâce à ce don de soi... Eh bien, nous avons pu limiter les dégâts, même s'il est vrai que de nombreuses personnes sont mortes dans cet événement. Donc sachez que tout ce que vous faites aujourd'hui, vous ne pouvez pas juste mettre Mokosh dans une situation de meurtrière, mais aussi dans une situation de sauveuse, héroïne, je ne sais pas. Et encore, là, sur l'affaire de Collins, même si bon, vous avez décidé que, malgré sa traîtrise, que Collins serait toujours hospitalier, chose que, pour ma part, je trouve ça un peu dur à encaisser. Mais voilà, nous avons empêché une transaction entre... des partenaires de commerce de Collins et des cafards. La pire chose, les pires personnes, ou j'ai même du mal à dire des personnes, parce que ce sont des bêtes, qui veulent s'en prendre directement au protectorat, à Justicienne, qui veulent nous détruire. Et ces gens vendent des armes aux cafards. Et là, encore une fois, nous avons été à deux doigts de la mort. Mokosh a été à deux doigts de la mort. Donc, nous ne pouvons pas faire... Enfin, oublier tout ça. Nous ne pouvons pas oublier que tout ce qu'a fait Mokosh avant. Et même si elle a tué Collins, et ça, personne ne le nie, Collins reste pour moi et pour de nombreuses personnes ici présentes un traître et doit être considéré comme tel. À ce moment-là, l'arbitre prend la parole et fait « Très bien, merci pour votre témoignage, nous en prendrons note. Dites-moi, regarde un peu ces fiches, commissaire Bray-El et juge Jacquard, avez-vous d'autres éléments que vous aimeriez que nous prenions en compte, d'autres témoins que vous aimeriez faire venir ?» Cher honorable membre de cette assemblée réunie en ce lieu si sacré, nous souhaiterions effectivement introduire un nouveau témoin. Cet homme de basse extraction est un homme qui a plusieurs fois commis l'irréparable. Il a touché à ce qu'il y avait de plus sacré et de moins profane dans ce monde réduit à néant et où seule l'éternelle lumière de Justicienne parvient à faire entrevoir l'espoir à travers tous les peuples du monde entier. Cet homme a touché aux fruits de nos personnes. Cet homme a trafiqué. Cet homme a fait de la contrebande d'êtres humains. Et pire, des enfants. Et cet homme a été puni, non pas par un juge, comme cela aurait dû, mais par cette personne que nous accusons ici même d'être une meurtrière. Ce que je souhaite mettre en avant à travers cette plaidoirie, c'est que cette femme qu'on accuse aujourd'hui d'être une meurtrière accomplit le plus sacré de tous les devoirs. Et bien que malheureusement pour cette grande cité et le protectorat, elle ne soit pas de notre clan, nous pouvons affirmer haut et fort que ici, plus que n'importe quel autre juge, avocat, cette personne a rendu la justice et accompli le plus noble des devoirs. Cette personne a protégé les innocents et rendu la sentence méritée. Moko, petite question, comment est-ce que tu agis en termes de communication non verbale lorsqu'on parle de toi ainsi? Non, je reste plus ou moins immobile, je dirais, dans une position d'attente. Et j'observe surtout le public ou le jury, je sais pas comment ça fonctionne. Très bien. L'arbitre à ce moment-là reprend la parole. Y a-t-il des témoins que vous aimeriez faire rentrer? Ou pouvons-nous repasser la parole à l'accusation? Comme je l'ai dit, voilà ce criminel, cet homme, ce trafiquant d'enfants, celui qui profane la plus sacrée de toutes les choses, je le souhaite le faire rentrer et que vous constatiez vous-même que la justice a été rendue. À ce moment-là, vous voyez deux juges des villes amener dans la pièce un homme très maigre, comme s'il avait été pas très bien traité ces derniers temps, sans doute un condamné aux travaux forcés, dont le visage vous dit quelque chose, et sur le front de ce dernier est tatoué « Kidnappeur d'enfants ». Pour rappel, c'était un des membres du cartel et un des soufifouilles de Croco que vous avez rencontré au tout début, donc pas lors de votre dernière rencontre, la partie précédente, mais vraiment tout début. Et Mokosh avait décidé de lui laisser un petit souvenir à ce moment-là. Fais-moi un petit jet de charisme expression, s'il te plaît, Jacquard, et tu vas pouvoir y ajouter ton historique autorité aussi, je pense. Et je vais également ajouter pour l'attaque, je l'ai pas fait. Est-ce que tu peux m'en donner le résultat? Déclencheur, c'est une réussite aussi, ouais. Oui, alors ça fait 4 réussites et un déclencheur. Ok. Tu vois à ce moment-là que la foule semble assez convaincue. Le commissaire Prael, lui, chope le gars par le col, l'ancien membre du cartel condamné aux travaux forcés, et le dégage dans toute l'assemblée et le montre aux gens qui chez moi constate le tatouage qu'il a sur le front. Et les gens semblent relativement convaincus que Mokosh, dans son rôle d'anébaptiste, serait finalement plus une genre de justicière des temps modernes, puisque visiblement elle n'assassine pas les gens, elle au contraire traque les criminels et leur applique la justice telle qu'elle se doit. À ce moment-là, l'arbitre demande également une dernière fois, est-ce que vous souhaitez avancer quelques autres arguments, ou pouvons-nous relaisser la parole à l'attaque qui, elle, aimerait... l'accusation aimerait discuter d'une autre partie de l'enquête. Bon. Est-ce que... Je sais pas si vous voulez... Ouais. Est-ce qu'on avait d'autres personnes? On n'avait pas mentionné d'autres personnes aussi? Comme quoi on pouvait faire venir? Vous aviez parlé notamment de Bran et Sonia et de Axel Lacorneille. Bah écoute, on peut faire venir Axel Lacorneille. Ok. Est-ce que vous la briefez un petit peu avant, notamment toi, Flux? Puisque j'imagine que pendant que j'en parle, tu peux passer du temps avec les témoins. Est-ce que tu aimerais leur... lui demander à elle ou à Bran et à Sonia, etc., de parler de Mokosh d'une manière spéciale ou autre. Oui et non, en fait, je leur demande quand même de rester naturel, mm-hmm. de pas aller dans la surenchère. C'est-à-dire que voilà, ils vont pas commencer à créer des événements qui n'existent pas. Pour démonter, faire ces choses et tout. C'est trop risqué. Mais que, effectivement, enfin. Ça va de soi, mais qui vont parler des plus beaux jours qu'ils ont vus de Mokosh. D'en parler de vraiment positif. Et même, tu vois, même s'il y a un truc qui s'était un peu mal passé ce jour-là, tu le mets de côté. Et tu parles que du côté bon de la situation. Mais sans non plus aller trop loin pour rester quand même vraisemblable et surtout correct. Vous les faites donc venir sur place. Vous voyez que Axel se débrouille plutôt bien. Elle va ainsi parler de Mokosh, en effet, en assez bons termes, même si vous voyez que la vie donc, d'une corneille n'est pas pris très au sérieux. Là, pour Bran et Sonia, eux, même si ils sont un peu moins doués de parole, vous voyez que pareil, ils ébrouillent relativement bien, et semblent convaincre totalement la foule, en tout cas, les personnes qui assistent à l'audience. La situation, vous les voyez par des espèces de hochements de tête, des acquiescements, que Mokosh n'est pas aussi dangereuse que l'on pourrait le croire. Cependant, toi tu remarques, Jacquard, que Pry, elle, n'a pas l'air sûre de lui, il redoute sans doute l'offensive de Hydeep, comme il le vantait, ce dernier aurait sans doute a priori des arguments, en tout cas des orientations d'attaque un petit peu inattendues, et il attend donc avec un peu de préhension le deuxième acte du procès. Vous avez une petite pause, on vous distribue un peu rapidement à manger et à boire, puis l'accusation reprend. À ce moment-là, Hydeep se place sur la plus haute marche au niveau de l'estrade et s'exclame. En lisant quelques documents fournis par l'avocat qui se trouve juste à côté de lui, ils se sont un petit peu briefés. Alors. Je vous l'accorde. Mokosh n'est finalement pas celle que nous pensions l'être exactement. Je pense malgré tout que le meurtre du Dr Collins n'était illégitime et ne rentre pas dans les cadres de procédures habituelles, d'autant plus qu'il s'agit là d'une anabaptiste et non d'un juge. Malgré tout, j'en conviens qu'il s'agit là plus d'une victime que du vrai acteur principal de cette mascarade. Mokosh, à ce moment-là, tu vois qu'il te regarde avec des yeux étonnamment, compatissants. Évidemment, ses yeux sont en partie masqués par ses lunettes, mais lorsqu'il baisse le visage, tu vois forcément une partie d'entre eux au-dessus. Et il te regarde avec le même regard que porterait un père à sa fille, par exemple, et lui dit « Mokosh, je pense que vous avez été abusé par le démiurge. Je pense que, suite à la perte de votre ami, tel que nous en parlait Torik plus tôt, vous étiez désemparé, seul. Vous cherchiez un but à votre existence, et vous étiez particulièrement influençable. Et je pense que c'est à ce moment-là que le véritable cerveau de l'opération en a profité pour s'en prendre à vous, vous manipuler et faire de vous ce qu'il souhaitait. Et le cerveau de cette opération, qui, malgré vous, a réussi à vous transformer en l'instrument du démiurge, n'est autre que cette personne ici présente. À ce moment-là, vous le voyez faire un grand geste de bras et pointer l'une des personnes actuellement présentes dans l'assemblée. Flux, actuellement, tout le monde te regarde, sans trop comprendre. Flux, chroniqueur, si j'en crois votre dossier et votre apparence, il semblerait que vous soyez arrivé dans la vie de Mokosh peu de temps après la mort de son ancienne compagne Abby. Voyez-vous, nous avons mis un moment avant de comprendre que qui vous étiez réellement et comment est-ce que vous avez utilisé Mokosh pour assouvir vos propres desseins. Pour commencer, nous aimerions revenir un instant sur les événements de Lucatore. Pour rappel, vous quatre étiez présents à ce moment-là. Sur les quatre personnes présentes à ce moment, Mokosh a failli perdre la vie, tombant inconsciente. Vous êtes bien d'accord avec cela? Tout à fait. Monsieur Torik, vous avez perdu un bras, malheureusement, lors du combat final. De même, Jacquard, même si vous êtes particulièrement bien remis, vous avez perdu un bras et une jambe. C'est bien cela. Pourtant, Flux, d'après les rapports des Helvétiques qui vous ont recueilli peu de temps après, ils indiquent que vous n'avez même pas demandé des soins de leur part. Comme par hasard, il semblerait que vous soyez la seule personne parmi le groupe à vous en être relativement bien sorti. Alors je sais, cet argument a peut-être peu de valeur et pourrait paraître sorti de son contexte, mais laissez-moi vous expliquer la suite et prenez garde à garder cette chose en tête. Pour commencer donc, Flux, le chroniqueur, les chroniqueurs étant sous votre respect, dit-il en s'adressant aux jurés chroniqueurs connus pour leur capacité à manipuler les êtres les plus faibles d'esprit, arrive pile au moment où Mokosh est justement vulnérable. Peu de temps après, une crise éclate et comme par hasard, seul le chroniqueur s'en sort à la perfection, tandis que le reste de son groupe finit au seuil et aux portes de la mort. Peu de temps après, le chroniqueur Flux continue d'assouvir son emprise sur le reste du groupe. Pour commencer, il loge Mokosh en permanence, ce qui fait qu'elle est dépendante encore une fois de plus de ce dernier ajusticienne, en tout cas c'est ce que nous ont rapporté les témoignages que nous avons recueillis. À ce moment-là, vous voyez qu'ils font disperser des dossiers un peu partout dans la foule, et à vous aussi. On nous indique également que le chroniqueur a participé à l'amélioration de l'état de Torik ainsi que de Jacquard. Enfin, nous aimerions faire venir une personne que vous avez bien connue en tant que témoin. Alina, la pie de l'épave. À ce moment-là, vous voyez de nouveau plusieurs juges ramener la pie. Pour rappel, Jacquard, la pie, toi, t'as décidé de la capturer. Après que vous n'ayez plus besoin d'elle. Et il semblerait qu'elle ait conclu un arrangement avec l'équipe d'Aedip. Elle se met alors à s'exprimer au niveau de la foule. J'aimerais vous parler de mes relations avec le chroniqueur Flux. Je suis rentré en contact avec cette personne pour la première fois il y a de cela quelques mois, il me semble peu de temps après leur arrivée à Justicienne. Le chroniqueur a commencé par m'envoyer l'un de ses hommes, un certain casse-gueule, en tant que client. Officiellement, il utilisait mes services de pie, mais officiellement, il me faisait passer des messages. Le but derrière étant d'organiser une réunion entre Mokosh et le docteur Collins. Après avoir passé plusieurs mots, nous avons réussi à trouver une fenêtre de tir et nous avons payé un homme pour faire savoir à Collins que Mokosh cherchait à lui parler. Alors Collins envoya à son tour un message que nous avons reformulé et nous l'avons envoyé jusqu'à l'atelier où séjournaient Flux et Mokosh. L'objectif étant évidemment que Mokosh tombe dans le piège tendu par Flux et se rendre sur place. À ce moment-là, vous voyez que la foule est assez circonspecte par rapport aux accusations actuellement portées. L'objectif de toute cette opération, si je l'ai bien compris, était de mettre fin au commerce du Dr. Collins de contrebande qui avait le défaut de concurrencer celui installé et inauguré par le chroniqueur ici présent. À ce moment-là, le Aedip reprend la discussion. En effet, vous voyez donc si la mort de Mokosh, Collins pouvait avoir l'air d'un malheureux accident ou d'un bien nécessaire au sein d'une enquête, il semblerait que cela soit un coup monté par les chroniqueurs afin d'éliminer un concurrent au commerce de contrebande qui avait lieu avec les clanistes. Il y a d'autres preuves que j'aimerais avancer. Premièrement, Flux, pouvez-vous nous montrer votre drone ? Nous avons entendu dire que vous en possédiez un et que vous l'aviez fait voler plusieurs fois, à plusieurs reprises dans la ville. Je le peux. Tu le poses sur une table et tu vois que si tu l'autorises, les gens le passent et l'examinent. Nous aimerions maintenant vous faire passer le témoignage, la description que nous avons recueillie auprès de plusieurs habitants de Lucatoré quant à la silhouette d'un drone qui aurait été aperçu peu de temps avant la crise ayant eu lieu sur place. En effet, en lisant le témoignage des habitants de Lucatoré, les deux drones semblent relativement similaires. Pourtant, il n'a été fait aucunement mention dans votre rapport d'une telle invention. Et les lieux de vol et les moments de ces derniers semblent incohérents avec vos dépositions. Nous sommes donc en droit de douter quant à la véracité de ce que vous disiez et à la réelle intention de votre enquête. Enfin, j'aimerais avancer notre dernier argument, celui qui finira sans doute de vous convaincre. Ce dernier a une valeur extrême, puisqu'il s'agit de photos que nous avons imprimées. Vous savez que c'est quelque chose d'assez rare, même pour des chroniqueurs, ça coûte très cher d'imprimer. Même si Flux a toujours tenté de se faire passer pour le gentil chroniqueur, aidant son groupe d'amis ainsi que les gens qu'il croisait. À ce moment-là, vous voyez les gens sortir eux de leur côté les fameuses photos et s'est passé de main en main tous avec un air assez étonné. Nous l'avons lui-même capturé avec l'un de nos drones de surveillance, en train de commercer avec plusieurs clanistes à l'extérieur des villes. Et vous autres, dans la salle, lorsque vous recevez les fameuses photos, vous observez en effet l'armure très reconnaissable de Flux, en compagnie de ce qui semble être des membres du clan du Cafard. Nous pensons donc que l'agent Flux est un fin manipulateur, qu'il a usurpé le rôle qu'il se donne, qu'il a manipulé le reste de son groupe pour pouvoir les utiliser à ses fins. Il a commencé par les rendre dépendants de lui grâce à la crise de Lucatoré, sur laquelle il n'est peut-être pas, pour laquelle il n'est peut-être pas si innocent qu'il pourrait le faire croire. Et comme nous l'avions dit, pour laquelle il semble s'en être étonnamment bien sorti comparé au reste des personnes se trouvant sur place. Ramenant ensuite le reste du groupe sur Justicienne, il a continué son commerce qu'il avait premièrement élaboré et a décidé d'utiliser Mokosh et sa naïveté et sa vulnérabilité pour éliminer son concurrent le plus direct, le Dr. Collins. Lorsque Torik récupéra les documents qui étaient envoyés à ce dernier, il put ainsi mettre le discrédit sur cette personne et Flux pensait pouvoir s'en tirer relativement bien. Il avait éliminé son concurrent le plus direct. Il avait récupéré tout ce qu'il lui fallait et avait désormais une clique prête à le défendre, bec et ongle, jusqu'à la fin. D'ailleurs, en ce moment même, nous avons envoyé plusieurs juges dans votre atelier. Ils sont en train de fouiller et ont été priés de nous ramener tout ce qu'ils ont trouvé sur place. Nous espérons pouvoir récupérer des informations et des choses relativement intéressantes. sait ce que vous nous avez caché d'autre. Je pense que nous en avons fini, la parole est à la défense. Bien. Il y a énormément de points. Ok. Ok, alors ouais, je vais du coup 2 secondes en privé pour répondre à ta question. Je suis en train de parler à ma conscience. Hein. Exactement. En effet, tu peux prendre quelques instants pour répondre à tout ce que tu viens de te prendre dans la gueule. Conscience de coupable. Moi, j'avoue que en tant que théorique, je suis assez circonspect, j'imagine. Circonspect, ouais. En fait, même si au fond de moi, je me dis que ce qu'il raconte, c'est du bullshit. Il est tellement bon orateur, il a tellement bien ficelé son truc que j'ai quand même un petit moment de doute. Genre, je regarde un peu Flux en disant ouais, c'est pas fou, enfin, mais quand même quoi. Enfin, tu vois, je suis un peu ébranlé. Mais quand même, pour l'instant, j'ai quand même envie de me dire que, ouais, il a bien orchestré son truc, mais bon. En effet, les preuves semblent être assez accablantes. Tous les faits, en tout cas, sont véridiques. Tout ce qui a été dit a été vrai. Et puis, bah, y a les plusieurs preuves, notamment les photos. Et comme semble l'indiquer Adip, la fouille de l'atelier d'Efflux devrait rapporter de futurs éléments quant à ce qui Efflux aurait pu fourmenter à l'encontre du protectorat. Il faut avouer qu'aussi l'homme, je lui rends peut-être pas assez hommage, mais dégage un certain charisme, il est assez fort, assez honnête, assez concis, il a également une prestance, une imposante, comment dire, une figure assez imposante, qui lui donne du crédit, et il fait que la foule, je veux dire, lorsqu'il parle, personne ne parle, voilà, tout est assez carré et net avec lui. D'ailleurs, avant de passer la parole à la défense, il ponctue son discours d'une petite phrase en latin, typique, encore une fois, des juges... Et remet ses lunettes de soleil droit sur son nez. Eh bien, soit. Une forte accusation que vous portez là envers moi, et je vais y répondre en toute sincérité, en tout honneur de... Au nom du serveur, principalement. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des gens du serveur sur place. À ce moment-là, tu vois le chroniqueur au loin, puisqu'il y a un représentant des chroniqueurs acquiescé, poser sa main dans sa main, poser son visage dans sa main et secouer la tête de haut en bas. Parfait. Je vais commencer à reprendre point par point l'argumentaire et expliquer ce qui s'est réellement passé. Le fait que je cache bel et bien des choses, mais pas ce que vous pensez. Fais-moi un petit jet d'intellect légende, peut-être. Je sais pas si t'es, si t'es sur le point de dire ce que je pense que t'es en train de dire. Oh, pas tout de suite, en tout cas. Mais ça va dépendre de... Hop, intellect, les gens. Ouais, je regarde juste quand même un truc, il faudra que je vois un moment. Voilà. 3 réussites, un déclencheur. Ok, très bien. Tu peux continuer. Merci. On me reproche d'avoir abusé de la faiblesse de Mokosh. Quoi qu'il en soit... Je vais pouvoir révéler notamment une de mes missions, la raison pour laquelle je suis arrivé dans ce groupe-là, comment j'ai rencontré Mokosh. Il n'en est rien de ma volonté, puisque j'étais à Lucatore, effectivement, en mission pour le serveur. Cette mission, je la détaillerai si le serveur m'en donne l'accord immédiat. Pour l'instant, je ne ferai que mentionner que j'étais en mission pour le serveur. Mais elle concernait une personne particulière qui n'est pas présente aujourd'hui dans tous les cas, puisqu'elle ne vit pas à Lucatore. Cette mission m'avait demandé de m'intégrer auprès d'une personne, et cette personne commençant à avoir confiance en moi, m'a rapproché de ce groupe qui devait se porter vers Lucatore. J'ai donc été avec eux en premier lieu pour continuer mon infiltration auprès de cette personne auquel j'étais en train de travailler. Donc, je ne connaissais ni Mokosh, ni Jakar, ni Torik à cette époque, encore moins leur passé, et j'ai dû l'apprendre à Lucatore. Et parler de faiblesse pour Mokosh, je trouve, est un mot bien fort, hein, puisque j'ai vu une femme forte qui s'est battue, qui n'a pas montré justement de signe de faiblesse, et qui, encore une fois, hein, je reprends les dires de Torik, mais a permis que Lucatore ne soit pas totalement détruit, malgré tout. Pour ce qui est de mon état à la fin de ce combat, ça peut paraître être un joli hasard, je dirais que c'est plutôt une bonne habilité de ma part. Quoi qu'il en soit, Oedipe lâche un petit en mode, comme par hasard, mais je laisse continuer. Je n'ai pas fini en si bon état que ça, étant donné que j'ai été moi-même blessé, moins mortellement que mes amis, il est vrai. Mais j'ai été malgré tout blessé, et si je n'ai pas été soigné auprès des Helvétiques, j'ai été soigné au serveur pour une raison plutôt simple. Je pense que vous connaissez le serveur, vous connaissez les chroniqueurs, et je n'ai pas la moindre envie de révéler mon identité à des Helvétiques. Donc, il n'était pas autorisé à toucher à ce qu'il y avait en dessous de cette armure. De fait, je me suis rendu au serveur et nous sommes arrangés comme habituellement pour faire ça en interne. Et je suppose qu'il existe des rapports de mon passage qui prouvent que je n'étais pas en si bon état que ça, puisque j'ai été blessé malgré tout durant cette journée-là. Certes, moins mortellement, encore une fois, j'insiste, mais encore heureux, puisque sinon, si on aurait été tous les quatre blessés aussi gravement, je pense qu'on ne s'en serait pas sorti. Il y a un point que vous soulevez aussi qui est intéressant, c'est celui du drone. À Lucatore. Qui n'était pas le mien. À Lucatore. Et j'ai encore une fois, je pense, des rapports qui pourront le prouver. J'ai croisé la route d'un autre chroniqueur qui était en mission secrète pour le serveur. J'ai été intrigué, je l'ai rencontré un soir alors que nous enquêtons sur la mort. Demain, j'ai oublié son nom parce que je n'ai pas de note de la deuxième campagne chez moi. Comment il s'appelait ? C'était Altaïr. Altaïr, merci. Sur la mort d'Altaïr. Et un soir, nous sommes tombés justement sur un drone qui nous surveillait. Nous l'avons suivi, nous sommes tombés sur ce qui semblait être un chroniqueur. Et preuve en est que pendant tout le reste de mon séjour, vous pouvez trouver des traces d'appels, hein, d'écrits, de recherches, de moi cherchant à trouver l'identité de ce chroniqueur qui était en vie. Hein. J'ai appelé plusieurs fois le serveur pour demander des informations, et si le serveur garde effectivement ce genre d'informations, ce que je ne sais pas par contre en tant que joueur, mais je suppose qu'ils doivent garder des traces, ils pourront prouver tout simplement chacun de mes appels et chacune de mes recherches pour trouver ce chroniqueur. C'est d'ailleurs, pour être honnête, malheureusement ça me fait mal à l'ego, mais c'est ce chroniqueur qui m'a inspiré à construire un drone. Je n'en avais pas eu l'idée avant, alors que c'est bien pratique. Donc, autre fait, pour ce qui est de la photo, je vais esquiver ça, il est clairement évident qu'il s'agit d'un document non authentique. Malgré tout, mon armure est une armure facilement recopiable. N'importe quel ferrailleur pourrait travailler dessus, je pense, assez rapidement. Et je dément formellement avoir eu quelconque contact amical envers les cafards. Je n'ai aucun lien avec eux et je n'ai aucune sympathie envers les cafards. Et d'ailleurs, notre enquête pour montrer que Collins était effectivement un traître nous a mené à nous battre contre des cafards, ce qui m'aurait clairement pas avantagé si j'étais vraiment en lien avec eux. Je pense qu'on aurait pu régler ça autrement. Je ne sais pas à quel point le serveur va pouvoir appuyer mes dires, mais tout ce que je dis là est normalement sourcé. Est-ce que je... Encore une fois, je fais énormément de rapports. Et... J'ai effectivement des choses dans mon atelier. J'ai notamment... une carcasse d'un vieux robot dont je recherche rapidement le nom. La machine de Hatsumo. De Hatsumo, c'est ça? Hatsumo. A-M-S-U-M-O. Hatsumo, ok. Notamment une carcasse de machine d'Hatsumo trouvée ici même à... Et dont, d'ailleurs, il me semble que... Oui, c'est ça. Et dont Prayel était là au moment où nous l'avons mis hors état de marche, et il nous a autorisé... Merci. autorisé à récupérer sa carcasse. Donc, n'en tirez pas encore des conclusions que c'est une quelconque manipulation. Ce n'est que, pour le coup, une mission effectuée pour notre ami Prayel. Très bien. À ce moment-là, l'arbitre... Ah oui, t'avais pas fini, pardon. Non, mais c'est bien. Je pourrais regarder un joker au cas où il y a des choses qui finissent mal. À ce moment-là, l'arbitre reprend la main. Je trouve quand même que le procès a légèrement dérivé du sujet principal, mon cher commissaire Aedip. À ce moment-là, celui-ci fait « Oui, je dois le reconnaître, l'arrestation de Mokosh était plus un prétexte à l'attaque de Efflux, mais il était nécessaire d'interroger son cas. » Nous appelons donc les représentants du protectorat ici présents lors de leur délibération à demander la libération de l'orgastique Mokosh, qui devrait potentiellement, pour payer son crime à l'encontre du médecin Collins, du docteur Collins, vivre un certain temps aux frais des travaux forcés de la ville, donc sous haute surveillance pendant, nous exigeons sans doute, une bonne dizaine d'années, mais elle sera saine et sauve et pourra reprendre sa vie après cela, étant donné qu'elle a été jugée non coupable dans le sens où elle a été manipulée par Efflux. Pour Efflux, nous avons de forts doutes quant à ce que nous pourrions trouver chez lui. Nous pensons que la mort serait un bon symbole, un bon résultat pour affirmer notre sécurité et surtout nos pleins pouvoirs face à la criminelle et aux traîtres tels que le sien, que nous accusons donc d'avoir trahi son culte ainsi que tout le protectorat afin de s'enrichir personnellement, même si cette dernière personne dément. Évidemment, nous n'avons pas de quoi le prouver expressément, mais il s'agit là de la parole d'un commissaire comme moi contre celle d'un simple diffuseur. J'imagine donc que les jurés sauront faire la différence entre nos deux voix. Je suis médiateur. Médiateur-diffuseur, je dois avouer de ne pas voir vachement la différence. Qu'est-ce qu'il y a, Mokosh ? Objection. Vous avez 5 minutes. Excusez-moi, mais toute cette théorie sur Efflux, grand génie comploteur, ce dont il n'est absolument pas capable, tout ça se base seulement sur l'idée que je serais faible d'esprit, sans aucune volonté, complètement rendu perdu par la mort d'Avi. Je me permets d'invoquer ici, là, Torik, en tant qu'hospitalier, plus qu'en tant que connaissance. Il vous reste 4 minutes. Je me lève. Oui. Torik, en tant qu'hospitalier qui, parmi ses missions, a de combattre tous ces bourgeons et toute cette drogue qui traverse la ville et toutes les choses, tu confirmes que lorsque nous sommes connus et pendant longtemps quand j'ai connu Abby, j'ai été une grande utilisatrice de ce produit. Hélas, oui. en effet, à des doses parfois assez gênantes. Hélas, effectivement. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait des bourgeons d'habits, que ce soit ceux qu'elle avait sur elle ou ceux dont sa lettre parle, quand nous les avons eus? Il me semble que tu les as brûlés. Exactement. Tu les as jetés dans le feu qui l'a réduit en cendres. Exactement. Et nous avons pour témoin de toutes ces scènes tous les gens qui étaient à l'enterrement. C'est exact. Depuis cet événement, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé après, ce qui a eu lieu à Lucatore et depuis le temps que nous sommes revenus ici, est-ce que tu m'as vu une seule fois réutiliser un produit de ce genre? Non. Alors, je me permets, là je me tourne face au juge du complot des chroniqueurs, là. Edip. Voilà. Alors, je me permets de remettre en question le fait que une addict telle que moi, dans un de mes instants les plus faibles, les plus vulnérables, ait eu la force d'esprit de combattre immédiatement après la mort d'Abby ce genre d'habitude. D'après moi, et peut-être d'après ce spitalier, peut-être même l'autre spitalier qui est là-bas et qui va me juger pour avoir tué son collègue, sont d'accord pour le fait que ce n'est pas quelque chose qui se fait, qu'on a une volonté d'esprit assez faible pour se faire manipuler par un robot ambulant. Je confirme que, en tant que médecin de terrain, et donc avec une expérience plutôt maintenant importante, il est vrai que l'addiction à ce genre de produits est très importante et qu'il faut une force d'esprit et une volonté extrêmement importante pour pouvoir s'en passer. Et clairement, si Mokosh avait été dans un état d'esprit comme le pense le juge, eh bien, je pense qu'elle se serait adonnée et aurait complètement plongé dans la prise de ces bourgeons. Votre temps est écoulé. J'en conclus donc que vous préférez l'idée que Mokosh soit au contraire une personne relativement forte et une battante. C'est pas qu'un peu. Très bien, eh bien, les membres de chaque culte devront en prendre note, et je laisse également le représentant de l'attaque ainsi que de l'accusation ainsi que de la défense venir se joindre à nous lors des délibérations finales. À ce moment-là, vous voyez Priel et se retrouver, se serrer la main comme le veut la coutume, même s'il semble avoir une certaine rivalité entre les deux. Priel semble pour la première fois relativement impuissant face à ce qui se passe et repartent en compagnie des membres de chaque culte. Donc il y a un membre supplémentaire, donc des juges qui est l'arbitre, eux deux plus un, donc un anabaptiste, un spitalier et un chroniqueur. À ce moment-là, on vous laisse quelques temps enfermé dans une pièce évidemment gardée par quelques juges. En effet, toi et Flux, tu crains pour le disque de GMA. Mais alors que vous attendez dans une espèce entre guillemets de sale cellule, vous voyez une espèce de petit caillou vous atterrir par la fenêtre qui est en réalité des espèces de barreaux restés ouverts. Enfin, du coup, à l'air libre. À ce dernier est accroché un petit bout de papier. Donc pour le... Ouais, vous êtes tous à l'intérieur pour l'instant. Bah, il n'y en a pas, que deux qui sont réellement prisonniers, mais j'imagine que les autres vous êtes restés avec. Écoute, vous avez rien d'autre à faire. Je le ramasse. Je sais pas d'où ça... Si ça me tombe à côté, je le ramasse. Tu le ramasses et tu vois que c'est un mot de Noah, le chroniqueur qui travaille pour Efflux, l'apprenti. Bah, du coup, comme était... je vois ça, ouais. je le donne le message avant même de lire, okay. Je le donne à Efflux. À ce moment-là, Efflux, tu le déplies et tu vois que finalement, il y a plus de place que ce que tu pensais. Et il est écrit « Perquisition, juge, plus rien dans l'atelier, machine de Hamsumo disparue, moto de Mokosh chez Bran et Sonia, disque dans double fond. » Pour rappel, vous aviez installé une sécurité sur le coffre. Si jamais on forçait le coffre-fort à l'arrière, on ouvrait seulement la partie principale, le disque se trouvant dans le double fond derrière. Donc, concrètement, ils ont mis la main sur rien du tout. À part la machine de Hamsumo, mais ça, pour le coup, Efflux en avait déjà parlé. Un peu plus tard, on vous invite à vous y retrouver. Vous mangez une espèce de bouillie un peu dégueulasse qu'on vous sert dans les cellules. Et vous retournez jusqu'à la salle principale. Le procès aura pris toute la journée. Ce qui, pour un procès à justicienne, est assez long. J'ai passé également quelques éléments un peu ennuyants, tels que l'examination de la paperasse et le fait de relire les anciens dossiers, les rapports des chroniqueurs tels que l'avait parlé Flux, mais évidemment, ça a été fait, du coup. Comme tu dis, on a pu confirmer, par exemple, les paroles, même si ça avait l'air de pas forcément peser aussi grand que ça pourrait être. Edip, en profitant à chaque fois pour lancer des petites remarques, que un chroniqueur aussi vil et manipulateur aura sans doute pensé envoyer de faux messages d'enquête pour couvrir ses traces. Vous finissez finalement de nouveau dans la salle du jugement. L'arbitre prend place et annonce le verdict. Mokosh, vous avez été jugé non coupable à proprement parler du meurtre du docteur Collins. L'on considère que vous avez en partie fait le bien et permis de révéler une affaire de trafic et de contrebande ayant lieu sous nos yeux et sous nos nez. Et à la fois que les circonstances dans lesquelles vous avez pu être amené à commettre un acte aussi odieux, peuvent expliquer la situation. En d'autres termes, vous n'êtes pas le démiurge à proprement parler, tel qu'a tenté de nous l'inculquer l'anabaptiste qui se trouvait avec vous, avec nous, pardon, tout à l'heure. Vous êtes encore un potentiel extrêmement fort pour la néognose, même si vous avez commis plusieurs erreurs de parcours. Il va donc falloir vous remettre sur le droit chemin. Vous êtes donc libéré. À partir de maintenant, vous n'aurez plus besoin de pointer auprès des juges. Tous les soirs, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Évidemment, vous garderez quand même votre tatouage semi-permanent pendant encore une bonne année. Et tant qu'il sera présent, vous pourrez être exécuté sans sommation en cas de récidive. Veuillez donc à bien vous comporter. À ce moment-là, tu vois des juges s'arrivent à ton niveau et te retirent les menottes qui t'avaient accroché. De votre côté, Efflux, vous avez été reconnu coupable de haute trahison envers le protectorat et justicienne. L'on considère que les preuves sont suffisantes pour vous inculquer et vous inculper dans un trafic de contrebande et l'élimination de différents concurrents. Même si ces personnes étaient mauvaises, vous l'êtes encore plus. Cependant, en l'absence d'aveu formel, et étant donné que la perquisition de votre atelier n'a rien donné, nous refusons à déclarer l'exécution publique comme solution pour votre cas. Dès ce soir, vous allez être considéré comme étant un zéro des chroniqueurs. Votre nom sera rayé des listes et vous serez banni définitivement du protectorat. Si jamais vous remettez les pieds sur place, le serveur se jugera bon d'envoyer des assassins à vos trousses. Et nous espérons que vous trouverez la mort dans les plus brefs délais au sein des terres dévastées ou face à de quelconques bandits, car les gens comme vous sont la honte et la risée de nos cultes. La séance est levée. À ce moment-là, les gens se lèvent et s'en vont. Flux, tu es donc entre guillemets libéré, mais tu sais que tu vas devenir un zéro des chroniqueurs. C'est presque trop sévère pour les profs qui ont l'air si faibles par rapport à un jugement, mais visiblement tu n'as pas ton mot à dire et les faits sont tels qu'ils sont. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là juste après que la salle ait été vidée, tandis que Aedib vous dévisage de loin en remettant son codex et en repartant de son côté? Pour ma part, je suis vraiment pas bien. J'ai eu un grand soulagement en entendant le verdict comme quoi Mokosh était lavé de tout soupçon ou quoi que ce soit, qu'elle était libre. Mais un gros coup de massue derrière... pour Flux. Et clairement tu vois que je pense que je suis pas la seule personne à s'être rendu compte que Aedip il cherchait même pas Mokosh, il en avait rien à secouer et qu'il a tout fait pour faire tomber Flux, ce qui en soi est assez bizarre. Pourquoi ? Je suis d'accord, en effet, ça paraît assez étrange et presque gratuit à tes yeux. Je précise aussi que lors du jugement final, lorsque le jugement final a été donné, le public était présent sur place. Donc en plus du malaise que tu as pu ressentir, tu as pu avoir droit à des huées de la foule à l'encontre de Flux et des gens qui hurlaient à son encontre de partir ou que c'était une honte. Bon, vous connaissez les dérivés de ces dernières. Je vais voir Prael, s'il est à côté de nous, j'imagine. Et je lui demandais si on peut faire quelque chose, s'il y a un moyen de changer le jugement, s'il y a un moyen de changer ça. Malheureusement, il paraît impossible que nous exigions un appel sur ce dernier. Mais j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Rendez-vous à ma caserne dès ce soir, Jacquard saura vous l'indiquer. Je suis sincèrement désolé pour ce qui vous arrive. Et évidemment, je ne pourrais pas réparer le mal qui a été fait. Mais peut-être que je pourrais remettre en perspective certaines choses. J'aimerais que vous me rendiez visite tous les quatre. Bah, du coup, je suis OK. Évidemment. À ce moment-là, vous ressortez par la porte à l'arrière, tandis que la foule, elle, s'en va par la porte de devant. Et vous déambulez dans les rues, sans vraiment savoir si vous devez être joyeux ou pas. A priori, pas vraiment. Flux, pour toi, comment est-ce que tu réagis face à cette annonce? Extérieurement, de manière très calme. Extérieurement. En même temps, j'ai un masque, ça aide beaucoup. Mais il est clair que, en attendant d'être seul avec le groupe, j'évite tout commentaire. À vrai dire, je ne parle pas, je ne fais rien. Parce que clairement, je peux pas m'exprimer comme ça publiquement. Tu vois. Genre, si j'en parle, ça sera uniquement juste entre nous, avec des gens de confiance. Vous avez donc juste un énorme blanc qui vous accompagne. Vous retournez jusqu'à l'atelier. En effet, vous voyez la porte de devant a été arrachée. Par terre dehors traînent des morceaux de ferraille, des hamacs qui ont dû être jetés dehors, tandis que les juges ont tout fouillé, tout mis sans dessus-dessous. Des conteneurs ont été brisés, des tables ont été levées, jetées. En effet, lorsque tu arrives au niveau du coffre, tu vois que la porte de ce dernier a été forcée. Et en refermant tant bien que mal cette dernière et en retapant le bon code et en recablant 2-3 trucs qui ont été brisés, tu arrives à accéder au double fond où se trouve de nouveau, enfin de nouveau, toujours du coup, le disque de GMA. Vous apprenez également de la bouche de Noah et de Bambino, que la moto de Mokosh a eu le temps de s'échapper par la fenêtre de derrière, que Casse-Gueule a débarricadé pour l'envoyer chez Bran et Sonia. Il voulait également envoyer la machine de Hamsumo, mais il pouvait pas passer, il y avait les juges qui étaient en train de tout péter. Donc ils n'ont pas eu le temps. Ça, malheureusement, elle a été récupérée. Mais oui, sans nul doute que la moto aurait été perquisitionnée aussi, sans doute. Enfin, au cas où ils n'auraient pas pu faire ça. Vous vous rendez donc chez eux, qui vous la rendent, déjà. Et ensuite, vous annoncent qu'ils sont désolés, ils ont entendu dire de ce qui s'était passé, et que... Avec leur témoignage, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour aider Mokosh, mais que malheureusement, c'était trop tard pour Efflux. Ils n'ont pas eu l'occasion de donner un mot, ils s'y attendaient pas, en fait. Vous mangez rapidement avec eux, puis plus tard, vous vous rendez en suivant Jacquard au rendez-vous donné par le commissaire Pryhel. Vous voyez que la caserne est bien vide. Quelques juges dorment à l'étage, tandis que d'autres finissent de boire leur soupe en bas. Certains ont dû entendre parler de ce qui s'était passé, car ils vous regardent avec un air étrange. Derrière vous, vous pouvez entendre des sons lorsque vous passez. Voire même un petit ricanement, peut-être. Vous montez les quelques marches et vous arrivez jusqu'au bureau. Il est au rez-de-chaussée, donc vous vous rendez jusqu'au niveau du bureau de Pryhel. Et vous toquez. À ce moment-là, il arrive, vous ouvre, et a l'air vachement plus serein que lors du procès, déjà. Enfin, vous voilà. Allez-y, entrez. On vous attendait. Oui. Vous rentrez à l'intérieur, en effet, ton interrogation, Jacquard, est vite... Tu obtiens vite une réponse face à ton interrogation en voyant un chroniqueur présent à l'arrière. Dans la salle, qui semble donc discuter avec Pryhel. Mais il ne s'agit pas de Malware, qui a l'habitude de l'accompagner, il s'agit d'un autre chroniqueur que tu n'as jamais vu. Toi par contre, Efflux, tu l'as déjà vu, il s'agit de Daylight. Chroniqueur notamment avec qui tu avais pas mal conversé, à qui tu fais tous tes rapports depuis désormais quelques années. Suivez-nous. À ce moment-là, il vous laisse rentrer. Pryhel ferme la porte derrière lui et rabat même une espèce de planche pour vraiment la fermer comme s'il s'apprêtait à ce que quelqu'un essaye de la défoncer. Vous allez bien ? Si jamais vous avez faim ou autre, vous voyez qu'il vous pointe des barquettes de fruits qu'il avait posées sur son bureau, ou si quelqu'un veut fumer, allez-y, c'est le moment. La journée a dû être particulièrement éprouvante pour vous. Ouais. Bon alors, j'aimerais vous montrer quelque chose. Okay. Non, rien, je vous écoute. À ce moment-là, il se dirige vers l'arrière. Et... au niveau d'une espèce de grand cadre qui représente son, tout le juge suprême Archaud, vous savez pas, parce que je vous ai pas vraiment décrit la pièce, mais c'est un endroit assez... accueillant finalement, assez droit, parce que tout est bien trié, on sent que c'est là le bureau d'un juge, mais aussi un côté très symbolique. Il y a plusieurs marteaux du jugement qui sont posés, plusieurs codex également, et notamment une espèce de grande peinture représentant un juge, sans doute le juge suprême Archaud. À ce moment-là, vous entendez un petit déclic, et vous remarquez que le commissaire Pryhel a en réalité mis sa main au niveau d'un mécanisme qui ouvre une espèce de porte, presque à la manière d'un laboratoire d'un scientifique fou dans un film, qui semble dissimuler donc derrière le tableau. Et ouvrir sur des escaliers dans lesquels il s'enfonce en vous faisant signe de le suivre. Il est suivi par Daylight également. En vous rendant en bas, vous découvrez une pièce relativement étrange où sont placés différents matériels de transmission, tels que des radios, des ordinateurs, des circuits électriques, qui semblent tourner dans une espèce de mini-générateur, avec un mini-générateur, et un mini-circuit électronique. Vous voyez également des éléments pour communiquer, tels que des tablettes, des choses comme ça, des claviers qui ont été récupérés et modifiés. On croirait le laboratoire d'un ferrailleur ou d'un chroniqueur. Au milieu se trouve une grande table, avec de mon nombreuses chaises, et Pry elle s'y assoit, et vous fait mine de vous y asseoir également. Tout le monde s'assoit ? Yep. Très bien. Il faut que l'on discute du procès qui a eu lieu aujourd'hui. À vrai dire, je pense que vous avez été victime d'un coup monté. Efflux. C'est le cas de le dire. Ça, on en est tous certains. Et je pense savoir qui se trouve derrière ce fameux coup monté. En fait, je devrais arrêter de jouer la carte du commissaire perdu plus longtemps et vous dire toute la vérité. C'est moi qui ai investigué et monté le dossier contre Efflux. Quoi ? J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Mais pourquoi ? À ce moment-là, vous voyez le commissaire retirer ses lunettes teintées. Je vous l'avais pourtant dit, Efflux. Il faut que vous continuiez de croire aux chroniqueurs et aux serveurs. Et alors qu'il pose ses lunettes sur la table, certains d'entre vous remarquent quelque chose au niveau de ses yeux, de relativement étrange. Quelque chose que l'on ne peut pas percevoir lorsqu'ils sont cachés derrière ses lunettes, c'est qu'il y a un genre d'inscription tatouée au niveau de sa pupille. Une inscription très vague, très floue, une série de traits qui font tout de suite penser à un genre de code-barre, le genre de code-barre que les chroniqueurs se tatouent absolument tous sur le corps. À ce moment-là, le chroniqueur qui se trouve juste derrière, Delate, porte sa main au niveau de son visage, actionne un mécanisme et retire son masque. Et vous reconnaissez, sous ce dernier, le visage du commissaire Aedip, qui présidait donc l'accusation lors du procès. Mais qu'est-ce que c'est que cette jamais histoire ? Jamais fait de croire au serveur. Mais... Toric, laissez. Vous allez... Il est temps pour nous de vous faire part d'une mission à laquelle vous allez être confié. En réalité, le Protectorat n'a jamais douté de vous. Bien au contraire, vous avez été sélectionné comme étant... et recommandé même par moi-même ainsi que d'autres contacts comme étant les personnes privilégiées pour suivre une mission particulière. Vous allez constituer à vous quatre l'opération Firewall. Comment vous expliquer ? Il y a tellement de choses à vous dire. La base de cette opération consiste à, pour commencer, vous détruire publiquement. Car nous allons vous envoyer quelque part où... Comment dire ? Où tout le mal qui a été dit autour de vous, toute la honte qui vous accompagneront, seront la plus grande des forces pour que votre ennemi, votre futur ennemi, baisse sa garde et vous laisse infiltrer ses rangs sans qu'il ne se doute de quoi que ce soit. En effet, même si Efflux va officiellement devenir un zéro et être banni du protectorat dès demain matin, il va en réalité partir sous couverture en mission dans le sud de la France, dans la ville de Toulon, la capitale. Une ville dirigée depuis maintenant près de 10 ans par les néolibiens, les fléaux et les anubiens, tout droit arrivés d'Afrique. Ils se sont installés dans le sud de la France, ont établi des colonies et pillent ce territoire depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Une petite dizaine d'années. Il y a quelque temps, nous avons envoyé un chroniqueur, Mirage, négocier avec eux un arrangement pour que le protectorat, justicien et chroniqueur puisse s'établir à nouveau dans leur rang. Les Africains nous ont rionné. L'Anubien Hamza, qui dirige actuellement la ville, a humilié notre agent et leur a envoyé tout droit d'où elle venait. Cette situation est absolument intolérable et nous avons besoin d'envoyer de nouveaux membres sur place. Des personnes qui ne soupçonneront jamais de faire partie d'un quelconque complot ou quoi que ce soit. Vous savez, depuis que le succès leur parle, ils ont tendance à devenir bien trop confiants. Votre objectif à vos quatre sera de vous rendre donc dans la capitale du sud de la France. En apparence, vous serez de simples voyageurs accompagnant notamment un ami chroniqueur banni du protectorat. Mokosh, vous serez envoyé également par votre culte en mission là-bas. En effet, les Anabaptistes ont depuis longtemps déserté la zone. Ils ne sont à vrai dire plus que deux en ville. Et il serait bon pour les Anabaptistes de reconquérir un peu de popularité auprès de la population. Ce sera également votre mission principale à vous, chroniqueurs, ainsi qu'à vous quatre. Vous fondez dans la masse, arrivez en ville, trouvez un endroit où loger, sympathiser avec les gens, les aider, les rallier à votre cause, et lorsque le jour viendra, vous frapperez. Mais nous ne s'en sommes pas encore là. Cela pourrait prendre 6 mois ou bien des années. Tout ce qu'il nous faut, c'est le support de la population, qui voue de véritables louanges au culte néolibien qui enrichit la ville. Quand bien même la pauvreté viendrait à gagner les ferrailleurs déjà présents dans la région. Les ferrailleurs seront d'ailleurs vos principaux alliés sur place. De votre côté, Torik, vous serez muté à l'hôpital de campagne de l'Orage, qui se trouve en plein centre-ville. Un poste assez éloigné, mais pas inintéressant pour vous, et une belle perspective de carrière. Mokosh, comme je l'ai dit, vous allez être envoyé par votre culte afin de présider les deux orgastiques présents sur place et organiser le prochain recrutement des anabaptistes en ville. Il faut savoir également qu'un GM Ethan s'est attiré les louanges de tous les... comment dire... rejeter des néolibiens. Nous aurions donc besoin de vous pour récupérer comment dire, cet attrait du public. Chassez-le de la ville, tuez-le, faites-en ce que vous voulez. Juste n'attisez pas leur haine et devenez la main tendue qui les sauvera dans ces moments de trouble et recrutez-en le plus possible pour rejoindre votre culte. Quant à vous, Jacquard, nous avons également une mission très spéciale à votre rencontre. Vous n'êtes pas sans savoir que les juges n'ont aucun réel pouvoir sur place. Les juges ne contrôlent pas la loi dans la ville. Cependant, de nombreux criminels aiment justement profiter de cette faille pour s'enfuir et se croire en parfaite sécurité dans le sud de la France, dans des villes comme Toulon. Nous allons vous envoyer une liste de noms très prochainement qui vous sera communiquée. Vous devrez débusquer ces personnes, les chercher, vous les trouverez, puis vous les exécuterez publiquement en leur rappelant que la justice divine du protectorat s'abat où qu'il soit. Très bien. Désolé, cela fait sans doute beaucoup d'informations pour vous à gérer dès maintenant. Nous aurons tout le temps d'en parler dès demain, de toute façon votre voyage ne presse pas, vous aurez quelques jours pour dire au revoir aux gens qui vous plaisent sur place, ou vous-même refuser l'opération, même si vous en douterez que cela aura un prix à payer. Nous en aurons tout l'occasion d'en reparler. Il y a juste deux autres éléments que j'aimerais prendre en compte avec vous. Le premier, n'hésitez pas à partir accompagné. Nous vous fournirons chaque semaine, par le biais de l'imprimante à lettres de change de Flux, un certain nombre d'argent qui vous servira à vous loger, à vous nourrir, vous ainsi que les compagnons que vous pourrez rencontrer sur place. D'ailleurs, Efflux, officiellement, vous allez ce soir piller une réserve des chroniqueurs en ville et y récupérer du matériel bien plus performant. C'est la seule excuse que nous avons trouvée pour vous autoriser du matériel. Enfin, je veux dire, nous ne pouvons pas nous permettre décemment de vous envoyer aussi peu équipé sur place. Vous allez donc bénéficier d'un nouveau masque, d'un nouveau vocodeur, ainsi que d'un nouvel équipement. Dont une nouvelle lettre de change qui vous servira également... Enfin, d'imprimante, pardon, à lettre de change qui vous sert également de radio pour communiquer avec directement le protectorat. Sans doute que vous ne pourrez pas nous atteindre de là-bas, mais par le biais de plusieurs relais, cela devrait pouvoir se faire et nous pourrons vous communiquer vos informations relativement aisément. Enfin, la deuxième information vous concerne vous, Mokosh. Officiellement, vous êtes lavé de tout crime à l'encontre du protectorat, et votre culte voit en vous... comment dire ? Vous avez pas mal fait débat, mais certains voient encore en vous un certain potentiel. Ainsi, même si la destination de Toulon ne fait pas forcément rêver pour des anabaptistes, c'est une bonne occasion pour vous de bien vous faire voir et de prouver votre valeur au niveau de votre culte. Également, votre ancien chef, Lito, votre ancien fureur, est dès à présent arrivé en ville depuis ce matin même, depuis Lucatori, nous l'avons commandé il y a tout cela plus d'une semaine. Il vous suivra lors de votre périple et vous enseignera les règles et les connaissances dont vous aurez besoin sur place. À ce moment-là, Aedib, même si vous doutez que c'est pas son vrai nom, Delate, s'avance et dit je sais pas si vous comprenez ce que ça implique, Orgastik Mokosh. Mmh. Je crois comprendre, mais vous allez m'expliquer encore une fois. Histoire que les choses soient parfaitement claires, cela veut dire que ce ne sera pas sous le nom de Mokosh l'Orgastique que vous vous rendrez en Franca dans les jours à venir. Dès demain, vous pourrez vous rendre à Cathédrale où vous serez, accompagné là, au sein d'une cérémonie que seul... Seul votre culte connaît le secret, qui vous passera du rang d'orgastique à celui de fureur également. Vous aurez donc droit de parole et de direction sur tout orgastique qui croisera votre route. Vous pourrez les réquisitionner, les forcer à rejoindre vos rangs et posséderez vachement plus de légitimité afin de parler avec eux. Vous bénéficierez également de l'équipement adéquat qui vous sera fourni par votre culte. Cela fait peut-être beaucoup de choses à ingérer pour le moment. Vous pourrez vous rendre ici lorsque vous le souhaiterez pour parler avec soit moi, Daylight, soit Hybride, enfin Prael, je veux dire. Et nous pourrons discuter des modalités de cela plus tard. Quelqu'un a-t-il des questions ? Les choses ne sont peut-être pas beaucoup claires. Cela fait peut-être beaucoup d'informations d'un coup. Il est vrai que déjà il faut... digérer un peu tout ce qui vient de se passer. On a eu des émotions qui sont parties un peu dans tous les sens. Maintenant, on se rend compte que tout ceci n'est qu'une machination pour nous faire partir autre part. J'en conviens que vous auriez pu peut-être nous en parler avant. Bien sûr, mais bon. Si les Africains avaient eu vent... d'une quelconque faille dans notre plan ou par exemple d'une réaction suspecte lors du procès, et après tout vous n'êtes pas acteur. Ah, disons que nous avons eu ce goût de la perfection. Non, mais je comprends, je comprends. C'est vrai que pour nos émotions, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, la mission est pour ma part. J'essaye encore de tout rassembler dans ma tête, ce qui n'est pas simple, mais sur ce que je vais devoir faire là-bas, est-ce que je vais avoir un poste particulier, des responsabilités serais-je une des personnes les plus haut placées de l'établissement ? Vous serez l'une des trois personnes les plus haut placées au sein de votre hôpital de campagne. Nous nous permettons de le dire, vous êtes d'ailleurs peut-être entrevu comme étant l'un des potentiels remplaçants de l'actuel hospitalier en chef qui, disons-le, se fait relativement âgé. L'occasion lors des premiers mois pour vous sera de faire vos preuves et potentiellement d'accéder à la tête de l'hôpital de campagne. Il faut quand même savoir que les hospitaliers là-bas ont moins de pouvoir qu'ici, vachement moins même. Mais vous ne serez pas complètement inutile et justement ce sera l'occasion pour vous de rappeler... D'accord. Donc, du coup, la force du protectorat. Ok, donc si besoin en est, je pourrais tout à fait essayer de réquisitionner certains hospitaliers pour des diverses choses. Ok. D'accord, je vous remercie. Si la conversation se termine, moi je me lève et je tends la main à Prael. Et je lui dis tout simplement, je n'avais jamais eu d'ennemis jusqu'à présent. Sachez que ma foi envers le serveur est éternelle. À ce moment-là, tu le vois qui s'ouvrit et sort son masque de sous la table. En effet, tu reconnais le masque de l'agent hybride que tu avais déjà croisé à plusieurs reprises. Il le place au niveau de son visage et fait, du coup, avec sa nouvelle voix, donc il prend un ton, mécanique, enfin artificiel, j'ai plus trop le terme en tête. Ça marche, ça marche. Ouais. Il se dit, j'en suis heureux. Là-dessus, j'espère que vous nous pardonnerez d'avoir usurpé votre identité afin de prendre quelques photos. Et pour nous faire pardonner, voici votre nouveau masque. Nous avons entendu dire lors de vos derniers rapports que vous souhaitiez quelque chose de plus divin. Et là-dessus, tu le vois en effet sortir la copie de ton ancien masque et l'actuel nouveau. Tu vois que l'ancien, c'était une espèce de grosse boîte de conserve pas très belle qui faisait vraiment basse. Et même si techniquement tu viens de passer au pire rang de ton clout qui est le rang du zéro, qui est donc celui qui a été banni des chroniqueurs, même si évidemment... Ça, ce sera seulement la version officielle. En sous-texte, les chroniqueurs au placé connaîtront la vérité. Tu découvres un nouveau masque avec, justement, comme tu l'avais imaginé, cette espèce de travail au niveau des cercles qui permet de lui donner un aspect vachement plus divin, ainsi qu'un troisième œil présent au niveau du front.